but I'll keep waiting for you. For a minute you can use my love. Équipe de France, on est champion du monde 2018. Je me fais avoir, Koï, c'est le Bifort sur énergie. C'est trop rapide. on va refaire le jingle. Mais non. Mais si, il faudra faire le. C'est le bif fort sur énergie. Ça te laisse le temps. Il y a un truc où je peux. Parce que là, c'est le bif fort sur énergie. Je suis toujours en retard. Et maintenant, Koé, prépare-toi. Tu dois parler maintenant. Oui, c'est ça. Dans 5, 4. Vous voyez, il me faut un petit décompte. À partir de lundi, faisons un petit jingle comme ça qui part à 20. Ça vous dérange pas? 20, 19. J'ai le temps de garer la voiture. J'ai le temps de prendre un petit café. Oui. J'ai le temps de saluer les équipes d'énergie comme je le fais quotidiennement. C'est j'ai vrai. Le temps. J'ai le temps de dire bonjour à toutes les jeunes femmes qui travaillent au 4e étage. Prendre un goûter. L'endroit où est notre bureau. C'est vrai. Il n'y a que des jeunes femmes. Oui, oui, c'est vrai. C'est incroyable. Il a fait son repérage. Ouais, mais ouais, c'est facile, il n'y a que. Non, c'est incroyable. Est-ce que toute l'équipe est en forme? Oui. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous êtes prêts à passer une belle émission? Absolument. Oh, oui. Parce qu'aujourd'hui, ce sera une belle émission. Nous saurons qui va aller voir Ariana Grande en concert très, très privé à Londres. Ça va se passer tout à l'heure. Nous allons faire un spécial avec vous, les auditeurs. On veut un spécial aujourd'hui. Mais rendez-vous raté. Alors rendez-vous Tinder, adopte un mec, etc. Peu importe, en gros, votre rendez-vous, ça devait bien se passer, mais le colis n'était pas ce que vous aviez commandé. Est-ce que je veux dire, ouais. Ou alors peut-être des belles histoires. Peut-être finalement la rencontre qui a très mal démarré, mais bon, voilà, ça a été l'amour. Je veux tout ça, je veux vos témoignages. L'équipe, je veux savoir si vous aussi, vous avez des choses comme ça. 0800 70 42 48, nous aurons en exclu le nouveau son de Rambo 5. Oula, oui. Puisque oui, Sylvester Stallone a re-signé. Il a 72 ans, autant vous dire que bon, il va être un peu liquide. On est dans de la crédibilité absolue là. C'est vraiment là, ça va être fantastique. À mon avis, il charge le fusil, il tombe. Déjà, il lui tombe, il lui donne le fusil, il tombe vers l'avant. Alors, quelqu'un peut le tenir parce qu'on va pas y arriver. Donc nous aurons exclu ça tout à l'heure dans l'actu. Il y aura évidemment les champions du monde du jour. On fera un spécial champion du monde du cambriolage qui se sont fait gauler. Ce sera d'ici quelques minutes. Nous aurons une étude qui a été faite en Angleterre sur les chèvres. À ne pas rater. Elle va être passionnante celle-là. Nous aurons le zap télé de Miko. Vous ne regardez pas la télé, lui la regarde. Avec un spécial, on fera les jeux de vieux, les jeux du midi. Non, t'as fait ça comme ça, t'as les jeux de vieux. Bon, qui regarde. C'est pas de vieux, moi je regarde moi. Stouff, elle regarde. Je confirme. Donc nous en parlerons tout à l'heure. Nous aurons. Qu'est-ce que nous aurons encore? Nous aurons pas mal de surprises, vous tous. Et puis avant de faire la présentation de toute l'équipe, vous dire que d'ici quelques minutes, vous entendrez le nouveau titre de Tiësto. J'adore ce titre-là. C'est bien, ouais. Il y aura Jane d'ici quelques minutes. Il y aura à 17h30 le cache-cache, jusqu'à 10 000 euros à gagner. Tout le monde me parle de ce jeu. C'est hallucinant, c'est très facile. Vous vous inscrivez, vous faites le mettez Koé par SMS au 7, 10, 12. Vous envoyez votre, vous dites je veux, j'en ai besoin, etc. Vous êtes tiré au sort, vous choisissez la bonne personne qui a la bonne enveloppe, jusqu'à 10 000 euros à gagner et ça se passera très bien. Il y aura Drake aussi, tiens. Il paraît que toutes les femmes ont envie de faire l'amour dès qu'elles entendent Drake. Ah bon? Pas faux. C'est vrai pas ça? Faux. Oui, faudrait c'est qu'on vrai. Fasse une étude scientifique un jour. Pourquoi? C'est fou ça. Pourquoi? Mais quand... En général ou avec lui? Mais non. Quand il paraît, je la refais. Voilà. Dites-nous si vous nous écoutez. Vous êtes dans la voiture, les filles. Vous écoutez Énergie. Vous êtes là. Vous nous retrouvez. On est heureux. On a envie de s'embrasser. Vous voyez, il y a déjà une ambiance érotique dans cette émission. C'est les retrouvailles. C'est la première semaine. Moi, j'ai un niveau de testostérone qui est au top. Enfin, là, on est bien. Vous, je sens que les filles, là, vous êtes bien aussi. Je mets un petit Drake. Est-ce que vous avez un peu plus envie de faire l'amour au bout de 10 secondes de Drake? Oui, franchement. Mais oui. Et pourquoi ça marche moins bien que la compagnie créole? Mais c'est pas le même rythme. Pourquoi quand la compagnie créole fait t'écaler quatre hommes, les femmes n'ont pas envie de faire l'amour? Non. C'est pas glamour. C'est avec Bézu, la gueule. Pourtant avec la gueule. Bien, c'est le moment de présenter l'équipe. Avec sa nouvelle couleur de cheveux. Et son corps d'athlète proche du phasme. Ah. Il ressemble à un grand coton-tige sale. De dire bonjour. Si, c'est vrai. Maintenant c'est plus sympa. Si, maintenant que j'ai l'image, si. Mais non. Si. Ah si, c'est le coton-tige qui a fouillé puis qui a trouvé des trucs. Arrête. Si, c'est le coton-tige qu'on fait tout seul devant notre glace et qu'on n'en est pas fier de ce qu'on sort, on a envie de le remettre dedans. Oh. On dit, mais c'est à moi ça. Ah, Bichette, notre réalisateur. Bravo. On continue à 42 ans. Il a la vie d'une personne âgée. Il vit seul avec son chat, se nourrit de coquillettes jambon. C'est plus facile à manger. Et il n'a pas eu un seul rapport intime depuis plus de. Il compte plus. Mon Miko qui est là avec nous. Allez. Bonjour. Il y a juste une erreur. J'ai 28 ans. Merci beaucoup. C'est vrai, je m'étais trompé. Douceur et volupté ne figurent pas dans son vocabulaire. Ne vous fiez pas à son visage angélique et ses tenues sexy. Car sous cette carapace sommeille une femme de poigne. On l'appelle entre nous le Godzilla de la bande FM. Le King Kong du 6e étage. La catcheuse du PAF. La... Je vais arrêter parce qu'elle va m'en mettre une, mais je l'aime beaucoup. C'est Mastouf qui est avec nous. Il est collé à moi comme un bouton disgracieux qui veut pas partir et depuis bien trop longtemps, on a bien essayé de le bouger, mais il est trop lourd à transporter, sauf si on a un transpalette. Sinon, ça marche pas. Du coup, bah, on le laisse là et on fait avec. Cachez vos goûters. En plus, on a appris il y a 5 minutes qu'il lisait Biba dans les toilettes. C'est vrai, c'est vrai. Autant vous dire, un bonhomme, un vrai. Jeff. Et les réseaux sociaux avec mon bordas, puisque ce soir le hashtag que nous avons lancé, hashtag je rate mon date quand. C'est ça. Et vous nous le dites puisque c'est une spéciale date. Bienvenue sur Énergie. Maybe I'm barely alive. Maybe you're taking my shit for the last time. Yeah. Maybe I know that I'm drunk. Maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive. Not too long ago, I was dancing for dollars. No one's really real if I let you be my mama. You don't want a girl like me, I'm too crazy. Where every other girl you meet is too gazy. I'm sure them other girls were nice enough, but you need someone to spice it up. So who you gonna call? Cardi, Cardi. Come and rev it up like a Harley, Harley. Why is the best food always forbidden? I'm coming to you now doing 20 over the limit. The red light, stop. I don't play when it comes to my heart, let's get it though. I don't really want a white horse in a carriage. I'm thinking more of white horses and carriage. I need you right here, cause every time you fall, I play with the skinny like you play with your guitar. Sur Énergie. Attention, bienvenue sur Énergie, merci d'être avec nous tout le monde. C'est juste pour voir si. Pour redonner envie aux gens de faire l'amour. Je finirai l'expérience ce soir. Hein. Je veux absolument savoir si ça fait. Donne envie de faire l'amour, d'écouter du Drake. Non, me regarde pas comme ça, je te jure. Je te regarde plus pareil. C'est ouais, bah regarde-moi comme avant. Fais-moi plaisir. Tout ça pour vous dire aussi que nous tenterons tout à l'heure une expérience, puisque le gouvernement, vous connaissez le fameux manger 5 fruits et légumes. Oui. Bah manger, oui. Bouger. Et oui. Bien maintenant, il y a 9 autres consignes qui vont sortir. Oh là là. Je vous les lirai tout à l'heure. Bon, il y en a certaines. Ça fait beaucoup. Hein. C'est oui, bientôt ça va être comme les médicaments. T'auras une liste monstrueuse. Alors, avec les effets secondaires. Ah, t'achèteras une boîte de Pépito. Dire alors, c'est quoi mes effets secondaires? Alors, il faut que je lise. Je peux tomber dans les pommes. Ça m'a l'air bien compliqué. Donc, nous en parlerons tout à l'heure et nous aurons la compile du taxi. tacos. Alors ça peut vous paraître étrange quand je le dis comme ça, mais le tacos 3 viandes est en train de détrôner le kebab et tous les burgers. Le tacos cartonne en ce moment dans toute la France. Eh bien ils auront la compile du tacos, parce que le tacos a 2-3 effets indésirables, vous vous en doutez bien. On a le temps de faire rapidement les 3 champions, oui, de l'actu. Spécial cambriolage. N'a pas changé ce truc. J'adore cette trompette. Pas comme s'il y avait qu'une trompette dans le monde non plus, mais elle est que pour moi. Le premier, ça se passe à Ourcq dans le Loir-et-Cher. C'est un cambrioleur qui a été retrouvé grâce à son ADN. Parce que, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? Je vous laisse 5 secondes pour trouver. Qu'est-ce qu'il a pu faire? Il a perdu des cheveux? Non. Il est allé aux toilettes? Presque. Il a craché par terre? Non, non, non, presque. Il a raison. Ah, presque. Il est allé aux toilettes, mais pas dans la maison. Derrière l'entrepôt. Bon, une envie pressante, le stress. Bah, ça stresse toujours et de faire un cambriolage. Et le gars, il a laissé une feuille. Non. Et donc, non. Ils ont déjà, les pompiers ont retrouvé la feuille, ils l'ont fait analyser, et donc ils ont retrouvé le cambrioleur. Ah non, mais non. C'est pas vrai. T'imagines le type en prison, t'es tombé pour quoi? Mon caca. Mon caca. Il m'a trahi. Après, c'est très difficile d'être crédible à Fleury Mérogis. Hein. Bon, en même temps, il y a des mecs qui sont restés pour des bastons à coups de parfum, donc oui, c'est vrai. Crédible aussi. Le deuxième, ça se passe aux USA, c'est un homme qui a cambriolé une maison, il a été arrêté quasiment tout de suite. Vous savez pourquoi? Il s'est connecté sur Facebook avec son compte et il a oublié de se déconnecter. Non. Non. Ah non, il a tout laissé quoi. Non. L'abruti. Mike Andrew, tu sais qui pose comme ça. C'est ta vie. Voilà un professionnel. Déconnectez-vous des pages Facebook, je vous le dis, effacez ça. Effacez vos SMS, changez vos mots de passe de vos boîtes mail. Ah oui. Voilà, c'est pas des conseils pour les cambrioleurs, c'est pour les mecs qui veulent avoir la paix et garder leur femme. Effacez tout. Effacez tout. Effacez l'historique. Mais ne vous laissez pas avoir bêtement. Le champion. Oui. Ah, lui, je l'aime. Un Britannique de 38 ans qui a été arrêté après. Quoi? Après que des traces. C'est l'actu, hein, je le lis. Des traces de son sperme ont été retrouvées sur un ourson en peluche dans la maison. Oh non, c'est malsain. Ah bah là, oui, clairement. Oh non, c'est malsain. Là, c'est clairement malsain. Mais c'est pas que c'est malsain. C'est pas tant de se frotter à l'ours en peluche qui est malsain. C'est que le type fait un cambriolage. Il sait que la police peut arriver à tout moment. Non. Et il prend 10 secondes de sa vie pour. Oh, allez. J'ai le temps. Allez. Eh, j'entends pas le pimpon, je peux y aller. Tant qu'il y a pas... Ils sont loin, j'ai le temps. Ou alors, je sais pas, peut-être parce qu'il s'appelait Booba, le petit ourson, ça l'a excité. Je sais pas. Il aime les rappeurs. Je sais pas. N'irai pas plus loin. Bienvenue sur Énergie, c'est le Bifort. Jusqu'à 18h et à 18h en public, avec beaucoup de public, ça fait beaucoup de bruit. Et c'est un plaisir d'être avec vous. So she gon' call her friends and that's a plan. I just saw the sushi from Japan. Now your bitch wanna kick it, Jackie Chan. Drop top, how we rollin' down on callin' South Beach, yeah. Look like Kelly rollin', this might be my destiny, yeah. She want me to eat it, I guess dinner's on me. I got you, know I got the sauce like a fuckin' recipe. She just wanna do it for the money in my hand. I know you. I'ma give it to her when she dance, dance, dance. She gon' catch a Uber out the Calabasas. She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, now that's a plan. I just ordered sushi from Japan. Now yo bitch wanna kick it, Jackie Chan. She said she too young, don't want no man. So she gon' call. Jackie Chan. Now y'all just wanna kick it, Jackie Chan. I think you got the wrong impression about me back. Just cause they heard what hood I'm from, they think I'm crazy. Okay, well maybe just a little crazy. Just a little. Cause I admit I'm crazy about that lady, yeah. Finger to the world, as fuck you pay. I've been slaving, done the pussy cause I'm running out of patience. No more waiting, no. Bouncing like a yo-yo. Living life on fast forward, but we fucking slow-mo, yeah. She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, now that's a plan. I just ordered sushi from Japan. Now yo bitch wanna kick it, Jackie Chan. She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, now that's a plan. I just saw the sushi from Japan. Now yo bitch wanna kick it, Jackie Chan. Yeah. C'est Coé, c'est le Bifort sur Énergie. Merci d'être avec nous dans quelques minutes. Peut-être 10 000 euros à gagner cash. Si jamais vous nous appelez, d'abord vous vous inscrivez, vous envoyez Coé au 7-10-12 par SMS et seulement par SMS. Je ne peux pas vous appeler si vous n'avez pas envoyé votre SMS. Vous l'envoyez, je vous prends au hasard, je vous appelle. Vous trouvez la bonne personne dans cette équipe. Ça peut être Jeff, Stouff, ça peut être Bichette, Miko, Bordas qui fait les réseaux sociaux ou moi-même. Nous avons une enveloppe dans votre poche. On ne sait pas combien on a. On peut aller jusqu'à 10 000 euros. Il y a peut-être 1 000 comme la demoiselle d'hier. Elle a gagné 1 000 euros. En quelques secondes. Donc allez-y, envoyez votre SMS si on n'en parle plus dans quelques secondes également. Qu'est-ce qu'on écoutera? Ah, on aura Que Black qui viendra nous voir mardi, tiens. Il y aura le zap de la télé tout à l'heure. Et vous tous, passez-nous un coup de fil 0800 70 42 48 spécial rendez-vous raté. Et d'ailleurs c'est le hashtag aussi de ce soir. Hashtag je rate mon date quand, Stouff. Je m'épile pas. Ah oui, classe. Ah oui, d'accord. Je vais m'épiler, bah si, bah, bien sûr. Ah oui, non mais c'est juste un dîner à la base, pardon. Mais tu bah, peux. Oui, tu mais bon. Non mais ça t'empêche pas de boire un verre. Vas-y. Enfin, en théorie, je veux pas. A tout de suite, on revient, bougez pas. Tous les matins, c'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. Rémi, tu es agent voix SNCF. C'est ça, je m'occupe de la maintenance sur les rails. Ah, tu vérifies les rails, si ça tient toujours, quoi. En fait. Ouais. C'est ça. Question con, Rémi, quand tu veux faire pipi, tu vas où? Au bord des voies. Ah ouais. Bah oui, il travaille sur la voie au milieu de la campagne. Mais j'imagine, t'as un train avec 500 personnes qui passent. Oui, mais il passe vite, le train. Ouais. C'est rare qu'un train s'arrête pour dire, mesdames et messieurs, regardez sur la gauche, la ville de Montluçon, regardez à droite, Rémi fait pipi. Non. Manu dans le 6-9. Manu, papa, palabin. 6h, 9h30 sur Énergie. C'est la grande braderie chez Castorama. Profitez de centaines d'offres et d'animations en magasin. Mais attention, la grande braderie, c'est en quantité limitée et jusqu'au 10 septembre seulement. Comme le kit dressing tout en un à 69 euros. Oui, 69 euros seulement, le dressing en mélaminé blanc, largeur 1m80, avec deux colonnes, deux barres de penderie et quatre tiroirs. Mais il n'y en aura pas pour tout le monde. Alors foncez, premier arrivé, premier servi. Castorama, ensemble on peut tout faire. Produit en quantité limitée, liste des magasins ouverts ce dimanche sur castorama.fr. Avec Auchan, imaginez la rentrée qui vous plaît. À tous les retardataires, c'est le moment ou jamais de foncer chez Auchan pour faire les courses de la rentrée. Jusqu'à mardi en magasin et sur Auchan.fr, il y a jusqu'à 50% de remise créditée sur votre compte Wahoo sur toute une sélection de fournitures scolaires grâce à votre carte Auchan. Des sacs, des stylos, des cahiers, il y a tout pour préparer la rentrée. Comme quoi, il n'est jamais trop tard pour faire de bonnes affaires avec Auchan. Avec Auchan, vivez la rentrée qui vous plaît. Offre valable sur les articles signalés en magasin, voire conditions en magasin et sur Auchan.fr. Alors, c'était la rentrée 82 ou celle de 96? Chérie, on peut savoir ce que tu cherches? Si un début de championnat a déjà été aussi incroyable que cette année. 33 buts la première journée. Et maintenant, AS Monaco OM. Et tu comptes venir dîner en 2035, c'est ça? Ah, je sais, en 77. Oh là là. Une reprise aussi intense, c'est rare. Dimanche, ne manquez pas le premier grand choc de la Ligue 1 Conforama, AS Monaco OM, à 21h en direct et en exclusivité sur Canal+. Rendez-vous sur canal.fr. Pour vous et vos enfants, la Halle invente la rentrée pour tous. Avec des offres pour tous les enfants, vraiment pour tous. Comme le haut offert pour un bas acheté. À la Halle, le haut, c'est cadeau. Et pour vos petits champions, la Halle s'engage aussi à vous rembourser jusqu'à 100% de la licence sportive de votre enfant. Jusqu'à 100%. À la Halle, du 16 août au 10 septembre, en magasin et sur lahalle.com, c'est ça la rentrée pour tous. La Halle, c'est vraiment vous. Pour tout achat supérieur à 70 euros, remboursement de la licence sportive jusqu'à 22 euros. Conditions en magasin et sur lahalle.com. Vous allez être scotché par votre géant. Jusqu'au samedi 8 septembre, spécialement pour la rentrée, de 11h à 13h et à partir de 17h, profitez de 50% de remise sur les fournitures scolaires. Oui, vous avez bien entendu, 50% de remise sur le rayon fournitures scolaires. Géant, c'est bon plan. Les prix bas, c'est... Géant ! Remise en bon d'achat sur le rayon fournitures scolaires hors cartable. Voir conditions et magasins participants sur géantcasino.fr, hors Corse. Kiabi, le bonheur vous va si bien. Et le bonheur, c'est d'être le premier look de la classe dès le premier jour d'école. Vêtements, chaussures, accessoires, c'est la rentrée chez Kiabi. La mode et le fun à tout petit prix. Comme le look complet au plus bas, fille ou garçon, à partir de 10 euros. Oui, oui, 10 euros. La rentrée par Kiabi du 29 août au 11 septembre. Kiabi, le bonheur vous va si bien. Conditions, magasin et kiabi.com. Une ambi de Peugeot, ça n'attend pas. Vous avez remarqué ? Depuis que vous vous êtes offert une Peugeot 208 avec navigation 3D connectée et parc assist, votre meilleur ami s'invite chez vous tous les dimanches. Et tous les dimanches, il insiste pour vous emmener faire une partie de tennis avec votre 208. En ce moment, la Peugeot 208 est à partir de 9 990 euros. offre non cumulable sous conditions de reprise de votre véhicule. Prime à la conversion de l'état déduit. Détails sur offre.peugeot.fr. Chez Tati, la rentrée, c'est stylé. Chez Tati, t'as tout. Chez Tati, t'as tout. Un bas, un t-shirt, un sweat à 10 euros seulement. Trop classe, la rentrée des classes. Offre valable jusqu'au 9 septembre 2018. Voir conditions en magasin. Chez Tati, t'as tout. Petite tartine cherche la fraîcheur d'un pur jus d'orange pour un petit déjeuner très vitaminé. Justement chez Grand Frais, pour 6 bouteilles de pur jus d'orange du Brésil achetées, la bouteille d'un litre est à 1,33€ seulement. Le meilleur marché, c'est Grand Frais. Jusqu'au 8 septembre, 1,79€ la bouteille vendue seule. Pour votre santé, bougez plus. Un peu de respect. Respecter. Quand une lionne arrive à tout gérer, un de perdu, mais elle s'est retrouvée. Pas besoin d'un homme qui l'empêche d'avancer. Elle a ses règles et sa fierté. C'est pas elle que tu verras mendier. Célibataire ou femme mariée, ça ne change en rien sa façon de penser. Fort caractère, elle sait dire non. Elle dit jamais son dernier mot. Et tu peux lire sous ses paupières. Chaque problème s'en sort, elle va tout assumer. Elle prend soin d'elle malgré tous les soucis. Elle prend des risques, elle réfléchit. Pas besoin de te demander ton avis. Son objectif, la réussite. Son amour ne connaît pas de limites. Fort caractère, elle sait dire non. Na na na na. Elle dit jamais son dernier mot. Na na na na. Et tu peux lire sous ses paupières. Déterminée, elle agit, elle ne parle pas. À tout assumer. Fermés dans un studio. Ça sent le grand n'importe quoi. Ah, ouais, c'est vrai. Et le poney aussi. Ah, ouais, c'est vrai. C'est Coé, c'est le Bifort sur Énergie. Toute l'équipe est là, comme tous les jours, entre 17h et 18h. Dès 18h, nous descendons dans notre grand studio au moins un pour l'émission en public avec vous tous dedans. Inscrivez-vous pour les prochaines émissions. C'est simple, vous voulez nous envoyer un mail, coé@energie.com. Vous voulez nous donner public, coé@energie.com. Voilà. Pas faire plus simple. Voilà, c'est sale chez vous. Ouais. Coé, viens nettoyer chez moi à tenergie.com. Le mec fait tout. Voilà, vous avez mangé un truc qui passe pas. Coé, aide-moi à pousser.com. Enfin, vous avez... Tout ça, c'est facile. Vous faites que des choses. On est là pour vous. Ouais. Et vraiment, entre deux blagues, merci pour tous vos gentils messages. Que ce soit sur mon Insta, Coé officiel, sur Twitter, etc. Merci, merci, merci. Ça me fait très plaisir. Je lis que des trucs gentils. Les gens sont heureux. Non, mais je sais pas, mais ça me fait très plaisir de lire tout ça. Le hashtag de ce soir, faut nous le mettre en TT. Hein, puisqu'il y en a des gens qui se sont fait des dates. Hashtag, je rate mon date quand? Et on sera un spécial échec de rendez-vous Tinder, de je sais quoi, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Happen, etc. Voilà. Jeff? Moi, je rate mon date quand elle m'invite dans un restaurant vegan. Ah mais non mais ça. Il est dégoûté. Il a pas le moral. Ah oui, c'est pas bon, pas bon du tout. Moi, je rate mon date quand j'y vais pas. Ouais, c'est ça. Effectivement, tu rates le réveil. Là, effectivement. Et là, tu le rates. Hein. Donc, mettez-nous en tête avec ça et ça va être un bonheur. On va faire un bisou à Manon qui a 25 ans, qui habite Angoulême. Bonjour Manon. Salut Koé, salut toute l'équipe. Salut Manon. Salut. Manon, est-ce que tu sais que dans moins de 5 minutes, je vais peut-être offrir 10 000 euros avec le cash-cash? Est-ce que tu le sais? Oui, je sais, oui. Mais est-ce que tu as? Pense que je gagnerai pas. Mais non, parce que c'est pas non, non, non, bah non, non, c'est pas maintenant. J'ai dit dans 5 minutes. Est-ce que tu as envoyé ton SMS? Non, je suis sur la route, donc non, j'ai pas eu le temps. Bien, bien, prudence. Sécurité. Envoyez vos SMS. 7, 10, 12, il y a jusqu'à 10 000 euros. Peut-être quelqu'un de sélectionné, c'est même pas peut-être. Quelqu'un de sélectionné dans 2 minutes. Je t'écoute, ma belle. T'as fait ton rendez-vous quand, toi? Il y a 4 ou 5 ans, à peu près. Ah oui, oui, on est dans. Ah, ça date. Ah oui, oui, c'était. Oui, oui, ça fait un petit moment. Sur Minitel. Attends, excuse-moi, il y en a eu. Attends, attends, il y en a eu d'autres depuis. Ah oui, il y en a eu un autre concluant. Ah, ah, ah, ah non, attends, attends. Tu fais ton rendez-vous de Tinder il y a 5 ans. Ouais. Ça se passe bien? Bah, premier rendez-vous, très très bien, très garçon, bien. Très très bien. Très bien. Et alors, premier deuxième abord, rendez-vous présente très bien. Et deuxième abord, là, douche froide. Pourquoi? Eh ben vous le saurez tout à l'heure. Eh ben vous le saurez tout à l'heure. Il pratiquait. Suspense. Il pratiquait. Vous le saurez dans quelques minutes. Restez avec nous. C'est le dossier de ce soir. 0870 42 48. Dès que vous avez un rendez-vous cafoiré, vous nous le dites, vous nous appelez, vous nous racontez. Voici Jane qui était notre invitée il y a deux jours. To look down at you. Things gonna be on board. I'm not angry with you, boy. I just really wanna move on. Things gonna be. Maintenant, combien? Jusqu'à 10 000 euros. Parce qu'à chaque fois, je dis 10 000 euros. Si vous me dites non, jusqu'à 10 000 euros. Préparez-vous. Vous nous envoyez vos SMS. Le principe est extrêmement simple. Vous envoyez vos SMS en mettant Koé au début de votre téléphone portable. Vous envoyez ça au 7, 10, 12. Vous savez quoi? Vous avez raison. J'ai l'impression d'être dans Drive. C'est exactement ça. Ah ouais? Hein? C'est quoi? Il te manque des lunettes de soleil. Là. Et des cheveux. Si j'avais des cheveux, une voiture et des lunettes de soleil, je suis dans Drive. Et aucun sourire. Mais écoute, pas tes sourires. Regardez, je souris plus. Ah, on y est là. Oh ouais! Ah ouais! C'est incroyable. C'est plutôt Mac Drive là. Nous prenons quelqu'un au hasard. Qu'est-ce que t'as dit? C'est plutôt Mac Drive. Je suis au Mac Drive. C'est quoi? C'est vraiment parce que j'ai besoin de toi pour l'enveloppe? Sinon, je te dirais, va faire un. Va. Sors. Toi, t'as de la chance. Hein. J'appelle quelqu'un. Il désigne un membre de l'équipe. Dans nos poches, nous avons une somme d'argent, nous ne connaissons pas laquelle, il y a jusqu'à 10 000 euros. Entre 10 euros et 10 000 euros. Hier, c'était 1 000 euros de gagné. Nous appelons Karim. Je lui laisse 152 sonneries. Et je... n'a pas décroché. Ma patience est délimite. Ah ouais, ouais. Eh hey, oh, drive. Je souris plus. Karim ? Bienvenue. Eh bien, bienvenue chez vous. À bientôt. J'enchaîne avec Florian. Là, évidemment, si vous envoyez vos SMS, essayez d'être joignable. Je sais que. Ouais, décrochez. Je sais que vous êtes. Non, les gens ont un travail. Hello ? Florian ! Oui ? C'est Koé, on est sur Énergie. Comment ça va, Florian ? Ça va impeccablement bien, et toi ? Mais ça va aussi impeccablement bien. Où es-tu ? Là, je suis sur la route, je termine mon travail. Très bien, tu fais quoi comme travail ? Je suis tueur en série. Je rentre à la maison. Je finis ma série. J'ai fait mon quota. C'est fini. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Florian ? Je suis chauffeur accompagnateur. C'est très bien. C'est quoi ? J'emmène des enfants handicapés dans des centres. C'est très bien. Ouais, c'est bien. C'est les petites camionnettes qui s'ouvrent par l'arrière pour que les fauteuils puissent monter. Voilà, sauf que moi j'ai pas de fauteuil, mais sinon c'est principe. Bon, en tout cas, je te demande de garder les deux mains sur le volant et de regarder devant. Quoi qu'il arrive. Maintenant, tu te concentres. Écoute-moi bien. Chaque membre de l'équipe a une enveloppe. Tu peux choisir Miko, Bordas qui nous fait les réseaux sociaux, Jeff, Stouff, moi ou Bichette, notre réalisateur. Il y a jusqu'à 10 000 euros. Il y a une enveloppe à 10 000 euros sur quelqu'un. Je te laisse réfléchir. À toi de me dire qui. On va dire toi, Koé. Ah non. Si, mais tous les tout le monde choisit Koé. C'est un hasard, en fait. Ah oui, bah parce que hier, j'ai eu 1000 euros, il dit c'est bon, c'est lui qui a le pognon. C'est lui. C'est lui qui a le pognon. Bah, c'est lui qui a le pognon. Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est sûr. Bah oui, il va se coucher dans un coffre-fort toute la nuit. On le connaît, un pixou. Alors. Très bien. Alors, il déballe. Oh là là. T'aurais pas dû. Florian ? C'est quoi cette tête ? Quoi ? Florian ? Comme dirait Pierre de Coubertin, l'important, t'as choisi le mauvais chameau. Ah et là on est loin. Combien ? 100 euros. 100 euros. Wow, c'est bien, 100 euros. C'est pas 100 euros pris en deux minutes, je dis. Bien sûr. 100 euros, mon ami, quand on va chez toi à la maison. Je te fais un gros bisou. Tu fais la gueule. Là-bas. 100 euros. C'est un bon resto avec madame. Fallait pas me choisir. Tiens, Jeff, dans la poche, combien t'avais ? Juste pour voir. J'ouvre. Avant que tu sortes, parce que je n'ai pas oublié la vanne du beurre. Combien t'avais ? 10 000 euros. C'était non, Jeff qui avait. C'était vous échangez ? Oui, j'ai bien sûr. Je te fais un gros bisou, Florian. Je t'embrasse fort, mon ami. À bientôt. À bientôt, porte-toi bien. Sois prudent et embrasse les enfants avec toi. J'espère que tout va chez vous à la maison. Nous sommes là jusqu'à 20h et dès 18h en public sur Énergie. C'est love, qu'est-ce qu'ils attendent ? Je pense qu'ils veulent le matin. Rampe comme un serpent. Je suis sûr que c'est un peu comme Satan. Elle voudrait qu'on le fasse, mais je suis sonné. Ah, complètement sonné. Elle me dit je t'aime, mais je suis sonné. Complètement sonné. Elle voudrait qu'on le fasse, mais je suis sonné. Ah, complètement sonné. Elle pense au mariage, mais je suis sonné. Elle voudrait m'emprisonner ou peut-être m'empoisonner. Ah, entouré de traîtres on est. Faut savoir sur qui tu pointes ton pistolet. Pris dans un engrenage. Tout va tout vite pour moi, oui Angela. N'en fais pas genre. Angela. C'est love, qu'est-ce qu'ils attendent? Je pense qu'ils veulent le matin. Rampe comme un serpent. Je suis sûr que c'est un peu comme Satan. Complètement sonné. Elle voudrait qu'on le fasse mais je suis sonné. Ah, complètement sonné. Elle me dit je t'aime mais je suis sonné. Complètement sonné. Elle voudrait qu'on le fasse mais je suis sonné. Ah, complètement sonné. Elle pense au mariage mais je suis sonné. Mon cœur est sous-zélé. Donc ma relation est sur la sellette. N'est-ce pas? Elle nous porte l'œil. Pourquoi tes copines veulent s'en mêler? Je ne veux pas que tu penses tout ça sur moi. Tu m'aimes ou pas? Oui, mais parfois je doute de toi. C'est love, qu'est-ce qu'ils attendent? Je pense qu'ils veulent le matin. Rampe comme un serpent. Je suis sûr que c'est un peu comme Satan. Complètement sonné. Elle voudrait qu'on le fasse, mais je suis sonné. Ah, complètement sonné. Elle me dit je t'aime, mais je suis sonné. Complètement sonné. Elle voudrait qu'on le fasse, mais je suis sonné. Mariage, mais je suis sonné. Ma, sonné. Ma, sonné. Énergie. Il sera notre invité mardi, que Black. Et j'aurai plein de surprises avec deux gros invités la semaine prochaine. Je vous dirai qui après 18h. D'accord ? J'attends la confirmation, j'entends tout. Le hashtag de ce soir, je rate mon date quand ? Le principe est simple, tu m'en donnes un, tiens, sur Twitter. Il y a Sabrina qui nous dit, je rate mon date quand ? J'ai du rouge à lèvres sur les dents. C'est vrai. Ainsi qu'une laitue complète. L'horreur. Ou des escargots que t'as la coquille qui dépasse. Si, c'est vrai, on peut rater. Dans un instant, des news de Didier Deschamps qui a donné la liste des footballeurs français qui vont jouer. Restez avec nous, nous l'aurons au téléphone dans quelques secondes, mais Miko a regardé la télé pour vous. Oui. Que s'est-il passé d'abord dans le journal télé ? Absolument, on commence avec le 20h de TF1 où notre président présent au Danemark a reçu un prix un petit peu particulier. Alors, écoutez bien ce prix, je ne savais même pas que ça existait. Hier soir, le président français a été fait chevalier de l'ordre de l'éléphant par la reine du Danemark. Un titre symbolique mais très prestigieux dans ce pays. Ah bah oui, bravo. Bravo l'éléphant. C'est notre Rocco Manu. C'est ça. Parce que croyez-moi, pour avoir le prix de l'éléphant, je sais ce qu'il faut avoir. Il faut y aller. Oh oui, oh là là, c'est pas doué tout le monde. Je sais que Jeff qui a eu son prix de la Knacky Ball, c'est de quoi je parle. Le prix de la fourmi. Attention, spécial jeu de vieux le midi, peut-être que vous n'êtes pas devant la télé, Miko, oui, avec quoi ? Absolument, dans les amours, j'ai trouvé une candidate qui visiblement n'a pas bu que de l'eau. Moi j'ai surtout besoin de mon épouse pour ouvrir les bocaux, enfin tout ce qui est assez force. Tout ce qui est force. Tout ce qui est force. Je précise, force. Voilà. Hey, tu m'en ramènes petit frère de la petite sœur. On a le droit de faire de la télé. On peut pas conduire bourré. Oui, faire de la télé. Non, c'est vrai, c'est vrai. Interdit. Un dernier. Alors émission de vieux toujours sur TF1, c'est 12 coups de midi avec Jean-Luc Reichmann. Ça parle fromage et rêve érotique. Et Jean-Luc se fait brancher par la voix off. Le bleu de Brest, quoi. Oui, exactement, exactement. Le bleu, c'est quand vous mangez du bleu. Faire des rêves complètement dingues. Très loufoque. Ne rigolez pas, je vais tester. Non, je vais tester. Et bon, on va passer une bonne nuit. Vous allez. Je vais voir ce que je vais manger comme fromage, moi, pour être d'accord. Je sais pas si tu fais des rêves érotiques en mangeant du bleu de Brest, mais tu pues de la gueule. En tout cas, ça c'est une évidence. Donc, merci mon Miko. Dans un instant, la compile du tacos 3 viandes. Ah oui. Je rappelle ce scoop, le tacos 3 viandes est en train de devenir le sandwich qui se mange le plus en France. C'est-à-dire que c'est tendance. Oui. Par contre, ça a 2-3 dégâts dans l'organisme. La compile arrive dans un instant avec Didier Deschamps. On est sur Énergie jusqu'à 20h, tout va bien. The way you move, the way you feel. One kiss is all. all it takes. Falling in love with me. Possibilities. I look like all you need. One kiss is all it takes. Sur Énergie. À 18h, préparez-vous dans 20 minutes, ça va faire du bruit d'ici là, la compile du tacos 3 viandes. Pourquoi tu rigoles? Parce que tu es de mauvaise humeur. Mais je suis, tu es pas de mauvaise humeur. Humeur. Faut que je vous explique. Non, tu n'expliques rien. Non. Elle m'engueule. Elle m'engueule. Oh, la pression. Elle m'engueule. Non, tu n'expliques rien. Elle m'engueule depuis tout à l'heure. Oui, tu me regardes pas, tu m'écoutes pas, après on va encore sucrer un disque. Tu sais qui se fait engueuler? C'est pas moi. Toi, t'es jamais là. C'est moi qui prends. Je me fais engueuler depuis que cette émission elle a démarré. C'est vrai. C'est pas Sekoé ouais. sur Énergie, c'est Sekoé qui se prend une dégelée sur Énergie. Depuis tout à l'heure, je me fais engueuler. Oui, t'es là. Mais tu cherches. Mais elle aussi. A pas tort, elle a pas tort. Quoi la. Ah, mais comment ça. Toi, par contre, toi sors. Quoi, j'ai rien dit. Vas-y, tu sais quoi, je vais faire tout, lui redonner envie de faire l'amour. Ah, voilà, ça va la calmer. Voilà. Ça me calme. Un peu. Et vous savez pourquoi elle donne envie de cette chanson de faire l'amour? Alors pourquoi? Pourquoi? Parce qu'au début, il parle de Kiki. Mais. Écoute. Voilà. Tout ça, c'est une histoire de. Ah, mais oui. Eh oui, toujours. C'est évident. On en revient aux histoires de. C'est le. Qui dirige le monde, hein. Ça, c'est bien connu. Même aux États-Unis. Bon, dans un instant, le hashtag est entêté France. Oui, je rate mon date quand. On en reparlera tout à l'heure. On fait une spéciale rendez-vous raté. Il y a une demoiselle qui voulait nous dire un truc. Ah, le suspense. Ah oui, elle nous a dit tout allait bien en premier rendez-vous, mais soudain au deuxième, et on ne sait pas. Rendez-vous après 18h, mais je crois qu'on va avoir Didier Deschamps en ligne pour la nouvelle liste, puisqu'il l'a donnée quand, hier ou aujourd'hui? Aujourd'hui. Même, la liste des joueurs. Oui, aujourd'hui. Nouveau champion du monde, deux fois champion du monde. Grand monsieur. Et ça veut dire quoi la nouvelle liste? Bah, en fait, là, il commence un nouveau championnat, il faut éditer une liste avec le nom des joueurs. Il va mettre sûrement les mêmes, non? J'ai pas vu la liste. Bah, je crois que c'est ça. Ah ouais, c'est... Allô, Didier, vous êtes là? Allô? Didier? Allô. Didier est un peu essoufflé. Bonjour, c'est Didier. Vous avez vu, j'ai bien bossé. Vous rigolez, c'est exactement les mêmes joueurs pour la Coupe du Monde, à part un mandat. Ah oui. Bah, j'ai pas eu trop le temps depuis la Coupe du Monde. Ah oui, bah les médias, la promo. Non, le dentiste. Non. Il y avait du boulot. Hein. J'ai dû remplacer toutes les dents manquantes, soit à 32. Vous avez récupéré vos joueurs alors, c'est bon? Oui, ils sont tous là, ils jouent aux cartes. D'ailleurs, je vous laisse, c'est l'heure du bridge. Ah, vous jouez aux cartes aussi? Non, le dentiste. Ah non! Non! Ah, c'est Coé, c'est le Bifort sur Énergie. À l'aube du grand tournant, non, il n'est pas fait ce qui plaisait pourtant, tant de déjà fait. Tous ces beaux paysages, là, je peux s'en moquer, mais pousser les nuages, nous devons y pas. Ces pensées à lever sur cette lune les yeux, pour que nos plumes s'émeuvent et rendent fortune à nos têtes pleines de brume. Ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe, de la hauteur, sans peur du ciel, oh, ni d'éternel. Non, non, non, le temps a abjuré sans peur du sel, le naturel. D'une note passée, penser à lever sur cette lune. Pour que nos plumes s'émeuvent et rendent fortune à nos têtes pleines de brume. Ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe, de la hauteur. Ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir. Regarde bien tous ces gens. Ce n'est pas un rêve, c'est la vie. Ceci n'est pas un au revoir. Je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe de la hauteur. Ah, ceci n'est pas un au revoir. Je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe de la hauteur. Elle est avec nous pour la compile du tacos 3 viandes. Alors à part notre aventurier de l'extrême Jeff, personne n'a jamais osé essayer ça. Nous en parlerons dans un instant. 18h, on est en public en bas. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous écouter. Ça a été 100€ pour le cache-cache, mais oui. 1000€ hier, je sens que demain vendredi je le sens bien. Tu je vous le dis, je le sens. Rambo numéro 5 va sortir. Mais c'est pas enfin, possible. Il a 72 ans Stallone. Eh ouais. Ah, oui, pas fou. Ma guerre. Ah voilà les amis, je vais vous dire. Je sais ce que vous vous dites dans la voiture. Vous dites ah oui, mais 72 ans, c'est encore un peu jeune. Oui, c'est oui, jeune. Oui. Oui. Bah oui, pour emmener, oui. Pour emmener les enfants au parc. Oui. Oui. Oui, oui c'est jeune pour aller au supermarché. Oui. Oui. Oui, c'est jeune pour regarder Jean-Luc Reichmann. Mais est-ce que c'est jeune pour incarner Rambo qui sauve le monde, c'est pour faire la guerre? Eh bien, en exclu. Voici la réponse. Ah, attention, je le refais. En exclu, voici la réponse. Je le refais. Tu veux, non, tu veux pas qu'on le fasse après du coup? Non, j'ai envie de le faire là. Non, tu non. Veux tu ouais, veux après s'il te plaît. En exclu après s'il te plaît. Écoutez, ça va, il a 72 ans, il peut attendre 72 ans et 3 minutes. Oui, c'est justement. Vrai. Allez, restez là. Il y a du. C'est pas sûr. Ah oui, ça, t'as raison. Bon, alors vite. Et dans un instant, en exclusivité, le nouveau Rambo 5 et la fameuse compile du tacos 3 viandes. Après, on aura plus faim, on sera 18 ans, à plus faim, tout de suite. Gagnez la somme folle de 50 000 euros. Avec la playlist suprême. Sur Énergie. La playlist suprême, c'est Jane. Divaphone, Alvaro Soler, Eddie de Preto, David Guetta. Cette playlist sera jouée sur Énergie une seule fois, dans cet ordre précis, aujourd'hui ou dans les jours qui viennent. Soyez attentifs. Dès que vous l'entendez, appelez Énergie 3937 et gagnez la somme incroyable de 50 000 euros. La playlist suprême. C'est une exclusivité Énergie. Intermarché vous propose d'écouter un prix coûtant. Mais pourquoi tu veux qu'on aille faire les courses avec deux voitures? T'inquiète. Dès demain et jusqu'à samedi seulement, le carburant est à prix coûtant chez Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Modalité et magasins participants sur intermarché.com. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Être ou ne pas être chez Orange et profiter de bons plans. Moi, avec Orange, j'ai offert à mon fils le Huawei Y6 2018 et il a un écran de dingue. Moi, en plus, il a un appareil photo de dingue. Moi, avec Orange, c'est son prix qui est dingue. 99,90€. Avec Orange, profitez du Huawei Y6 2018, débloqué sans forfait et sans engagement à seulement 99,90€. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Soit une baisse de prix à 119,90€ au lieu de 149,90€, moins 20€ remboursé. C'est par Huawei sur demande. Offre soumise à condition, valable jusqu'au 3 octobre. Détails en boutique et sur orange.fr. Une envie de Peugeot, ça n'attend pas. Vous avez vu? Depuis que vous vous êtes offert la très chic et ultra personnalisable Peugeot 108 avec toit découvrable et navigation sur écran tactile, vous avez beaucoup d'amis qui vous proposent une après-midi shopping au volant de votre 108. En ce moment, la Peugeot 108 est à partir de 7 990€. Offre non cumulable sous condition de reprise de votre véhicule, prime à la conversion de l'état déduit, détails sur offre.peugeot.fr. Mayonnaise onctueuse, cherche belle crevette rose pour faire trempette à l'apéritif. Justement chez Grand Frais, les queues de crevettes cuites réfrigérées ASC sont à seulement 5,95€ les 280 grammes. Le meilleur marché, c'est Grand Frais. Jusqu'au 1er septembre, 21,25€ le kilo avec carapace élevée au Vietnam. Magasin participant sur grandfrais.com. Pour votre santé, évitez de clignoter. Chez Tati, la rentrée, c'est stylé. Chez Tati, t'as tout. Chez Tati, t'as tout. Un bas, un t-shirt, un sweat à 10€ seulement. Trop classe, la rentrée des classes. Offre valable jusqu'au 9 septembre 2018, voire conditions en magasin. Chez Tati Tatou. Alors, c'était la rentrée 82 ou celle de 96 ? Chérie, on peut savoir ce que tu cherches ? Si un début de championnat a déjà été aussi incroyable que cette année. 33 buts la première journée. Et maintenant, AS Monaco OM. Et tu comptes venir dîner en 2035, c'est ça ? Ah, je sais, en 77. Oh là là. Une reprise aussi intense, c'est rare. Dimanche, ne manquez pas le premier grand choc de la Ligue 1 Conforama, AS Monaco OM, à 21h en direct et en exclusivité sur Canal+. Appelez vite le 3910. Service payant, 25 centimes la minute, plus prix appel. Intermarché vous propose d'écouter 2,30€. Excuse-moi, tu peux arrêter s'il te plaît ? Jusqu'au 9 septembre, le lot de 2 stylos billes 4 couleurs et 5 stylos billes Crystal Bic est à seulement 2,30€, avec en plus 70% en avantage carte. C'est la rentrée des petits prix et c'est seulement chez Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Modalité et magasins participants sur intermarché.com. Voici Citroën C4 Millennium d'occasion, suréquipé, garantie 4 ans, assistance 24-24, satisfait ou remplacé. Qu'est-ce qui vous fait rire ? Vous avez dit occasion, vous avez dû vous tromper. Non, non, c'est bien une occasion. Citroën C4 Millennium avec climatisation Bizone, navigation connectée 3D, moins de 30 000 km, est à seulement 14 490 euros. Citroën Select, des occasions qui ne ressemblent pas à des occasions. Citroën. Offre valable dans le réseau participant et dans la limite des stocks disponibles sur Citroën C4 Millennium Blue HDI 100, mise en circulation 2017. Avec la carte Auchan, faites le plein d'économies. J'ai entendu dire qu'il y avait plein de nouveaux avantages avec la carte Waouh. Eh oui, à partir de maintenant et tous les jours de l'année, profitez de 10% de remise sur la parapharmacie, les produits bio Auchan et les aliments bébés, crédités sur votre compte Waouh. Et toujours 5% sur tous les produits alimentaires et animaleries Auchan, 50% sur les produits signalés et plein d'autres offres personnalisées. Des avantages vraiment waouh. La carte Auchan, elle est riche d'économies. Carte gratuite, voire conditions et liste des produits concernés en magasin ou sur Auchan.fr. Ceci n'est pas le bruit strident des klaxons dans les embouteillages du dernier samedi d'août. Ceci n'est pas non plus le bruit du sac de course qui se déchire alors que vous êtes au milieu de votre rue. Ça, c'est le bruit que fait un colis Amazon lorsque vos achats arrivent directement chez vous. En ce moment, ce sont les ventes flash de la rentrée. Pour l'école ou la maison, tout ce qu'il vous faut est sur Amazon. Amazon, faites la paix avec la rentrée. Cette offre est valable jusqu'au 5 septembre sur une sélection d'articles de rentrée. Les conditions sont sur Amazon.fr. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie produits frais. Allô patron, c'est râpé. Comment ça c'est râpé ? Pour les carottes patron, je suis chez Lidl et demain et après-demain ils font la barquette d'un kilo de carottes à 99 centimes. Quoi ? Un kilo de carottes à moins d'un euro chez Lidl ? Alors là, c'est râpé. Eh ben c'est qu'est-ce que je dis patron ? Et origine France hein ? 99 centimes le kilo, ah, vous imaginez ? Et en plus, c'est les mêmes prix partout en France, même pendant les vacances. On est mal. On est très mal, je sais. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Catégorie 1, origine France. Avec le service après-vente Peugeot, entretenez l'émotion. Chaque véhicule Peugeot est le fruit d'une conception technologique exigeante de la part de nos ingénieurs. Ce même savoir-faire, vous le retrouvez lorsque vous faites appel aux experts Peugeot pour l'entretien de votre véhicule. Car ils sont les mieux placés pour préserver votre expérience de conduite. Comme au premier jour. Jusqu'au 25 septembre, bénéficiez de 50 euros de remise sur l'entretien de votre Peugeot en prenant rendez-vous sur Peugeot.fr. Conditions en ligne. C'est la rentrée des bons plans avec votre Géant. Jusqu'au 2 septembre, votre Géant vous rembourse 20 fois la différence sur vos fournitures scolaires si vous trouvez moins cher ailleurs. Oui, Géant vous rembourse 20 fois la différence sur vos fournitures scolaires si vous trouvez moins cher ailleurs. 20 fois la différence. Géant de ses économies. Les prix bas, c'est... Offre valable dans les magasins participants, voire conditions en magasin. Dis maman, ça veut dire quoi une rentrée orchestra ordinaire ? Pour moi, c'est que chez Orchestra, les jeans sont à partir de 5 euros, les t-shirts sequins magiques à partir de 6,50 euros, et que la carte club, qui permet d'avoir moins 50% toute l'année, est à 10 euros au lieu de 30. C'est orchestra ordinaire ! Orchestra, mode enfant, maternité, puériculture. Modalité en magasin et sur orchestra.com. À la MAE, nous protégeons chaque instant de la vie des enfants, à l'école et pendant toutes leurs activités. On croit souvent que la responsabilité civile suffit à protéger les enfants. C'est faux. Elle les protège lorsqu'ils causent un accident, mais jamais quand ils en sont victimes. L'assurance scolaire MAE protège tous les enfants, petits et grands, dès 11,90 euros par an. Adhérez vite sur MAE.fr. MAE, mon premier assureur. Détails des garanties dans la notice d'information sur MAE.fr. Ouais, C'est le Bifort sur Énergie. Et attention, l'after, c'est à 18h en public, dans 6 minutes exactement, avec tout le monde en bas. Ça va faire beaucoup de bruit, oui, mais ça va être magique. Merci d'être avec nous. Une info vient d'arriver, il fallait que je vous la dise. Une étude publiée par la Royal Society of Science. Voilà. Personne n'a vérifié s'ils existaient vraiment, mais on va dire. Eh bien, cette info publiée nous révèle un scoop incroyable qui va changer la face de l'humanité. Ah bon ? Les chèvres préfèrent les gens souriants. Ah ! Hein ? Voilà l'info. Voilà. T'es sérieux ? En gros, si tu fais la gueule, t'as aucune chance de pécho une chèvre. Voilà, ça, c'est tout. On... Bah, tiens, vous parlez de pécho, faire l'amour, voici Drake. Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you and I need you. And I'm down for you always. KB, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you and I need you. And I'm down for you always. Look, the new me is really still the real me. I swear you gotta feel me before they try and kill me. They gotta make some choices. They running out of options. Cause I've been going off and they don't know when to stop. And then when you get to top and I see that you've been learning. And when I take you shopping, you spend it like you earned it. And when you popped off on your ex, he deserved it. I thought you would've won from the jump and confirmed it. Trap money, Benny. I buy you champagne, but you love some Henny. Front of block like you Jenny. I know you special, girl, cause I know too many. Risha, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you. And I'm down for you always. JT, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you. And I'm down for you always. Bad bitches and we kissing in a wave, kissing, kissing in a wave, kissing, kissing in a wave. I need that black card in a cold to the safe, cold to the safe, cold, cold to the safe, safe. I show 'em how to network, but that Netflix and chill. What's your network? Cause I want you and I need you and I'm down for you always. And I'm down for you always. And I'm down for you, down for you, down for you always. C'est vrai, ça marche. Et la question que je me pose, c'est est-ce que Drake a envie de se faire l'amour lui-même quand il chante ? Quand il s'écoute. Quand il s'écoute. Est-ce que quand il s'écoute, il se dit oh, mais c'est moi ça. C'est moi. Bienvenue sur Énergie. Dans un instant, nous serons en public. En bas, nous allons descendre. Mais il y a une nouvelle info. Alors là, Rambo. Non, arrête. Non, Rambo, j'ai pas le temps. Tu m'as dit. Tu veux en parler ? L'auditrice. Bah quoi ? Les tacos. Les tacos. Je ne peux pas tout faire. On exclut le nouveau. Il y a Shawn Mendes après, dépêche-toi. Le nouveau Rambo dans un. Oh, oh là là. Le nouveau Rambo, donc Rambo 5, 72 ans, pleine forme, Papy. Non, une pilule, un suppôt et au lit. On en parlera donc tout à l'heure. Mais là, il faut, non, faut qu'on revienne sur les nouvelles choses. Maintenant, quand vous allez manger, vous savez, il y avait marqué manger, bouger. Oui. Ouais. Manger 5 fruits et légumes. Il y en a d'autres maintenant. Il y en a d'autres. Évitez de consommer trop de viande, hors volaille et de charcuterie, respectivement moins de 500 et moins de 150 grammes par semaine. Maintenant, il va falloir peser son saucisson, les amis. Non, mais c'est ce que je vous dis est vrai, hein, c'est sorti là. Hein. Ne pas consommer plus d'un verre de boisson sucrée par jour. Tous les jus de fruits sont partis des boissons sucrées. C'est tout ce que je fais, moi. L'eau est la seule boisson recommandée indispensable. Évitez de consommer les boissons sucrées, du vin, de la bière ou toute autre boisson alcoolisée. Oh. Alors, j'ai l'impression que c'est que pour moi, ces messages. Oh, je crois que c'est pour beaucoup de gens. Mais malgré tout, eh bien, ils ont bien fait de le faire parce que ce qui marche le plus en France en ce moment, c'est le tacos 3 viandes. Le tacos 3 viandes. Alors, vous savez, un tacos 3 viandes, si vous n'en avez jamais mangé, imaginez que c'est gros à l'entrée, imaginez ce que ça fait dans votre organisme. Ah ouais. Donc on a décidé de faire la compile du tacos 3 viandes et piments dans ton corps. Alors au début, dans ta bouche, tout va bien. Ah, évidemment, encore moi qui n'ai pas appuyé sur le bouton. Au début, tout va bien. Alissa, voilà. Avec le piment dans l'œsophage. Sans parler de ton estomac qui voit arriver un kilo de viande. Et là, ton estomac se dit: comment faire si je veux pas grandir, pas grandir? C'est mort. C'est mort. Mais ton tacos, lui, il s'en fout de ton estomac. Et voilà ce qu'il lui répond directement: oui. Le risque, c'est que le lendemain matin, ton intestin, lui, il s'en souvient bien. J'ai tendance à bloquer. J'ai tendance à bloquer. Ah oui. J'ai tendance à bloquer. Ah oui. Bloquer. J'ai tendance à bloquer. Alors, ton tacos, il comprend pas. Il essaie de se justifier. Je voulais juste avancer. Alors, le temps passe. Et ton tacos, il est toujours bloqué dans ton corps, juste devant la sortie. Depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire, j'entends qu'on s'amuse et qu'on chante au bout du couloir. Oh non ! Bah oui, il y a une grande ambiance, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Et quand enfin ça arrive à sortir, c'est là que tes fesses t'envoient un dernier message. Tout le monde et bon appétit. Dans 3 minutes, le temps de descendre, nous serons dans le studio public. Tout va bien. Qu'est-ce qu'on écoute ? On écoute Shawn Mendes. Ah, c'est très bien. Vas-y, mon Shawn. Il viendra nous voir, Shawn Mendes. Je lui ai envoyé un petit message. Il viendra nous voir dès qu'il est de passage en France. Et tout à l'heure, direction Ariana Grande à Londres. It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood. Laying on the bathroom floor, feeling nothing. I'm overwhelmed and insecure. Give me something I could take to ease my mind slowly. Just have a drink and you'll feel better. Just take her home and you'll feel better. Keep telling me that it gets better. Does it ever? It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up. No medicine is strong enough. Someone help me. I'm crawling in my skin. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. Phone again, feeling anxious, afraid to be alone again. I hate this. I'm trying to find a way to chill. Can't breathe. Oh, is there somebody who could help me? It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up. No medicine is strong enough. Someone help me. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood. It isn't in my blood. 17h, 20h. Vous êtes prêts? C'est début! Eh oui, bienvenue! Nous avons changé d'étage, nous avons changé d'ambiance. Eh oui, bienvenue à l'énergie, bienvenue chez nous, bienvenue dans notre émission. Nous avons démarré lundi, comme vous l'entendez, nous avons donc changé d'étage. Nous ne sommes pas à la compta, l'ambiance n'est pas la même. Nous sommes dans notre grand studio. En public, avec plein de gens dans le public aujourd'hui, avec plein de surprises. Nous referons, puisqu'hier ça vous a fait beaucoup rire, Mamie dérape. Nous allons refaire le devine qui c'est. Ah, j'ai adoré. Oui. Le principe où on appelle une personne au hasard en France, on lui dit bonjour, devine qui c'est. Et vous avez vu, je l'avais raconté hier. En théorie, elle vous prend quelqu'un, un ami, un membre de la famille, assez vite. Hier, elle a cru qu'elle parlait avec Bernard pendant 5 minutes. Absolument. C'était fantastique. Moi, j'étais bien. J'étais presque gêné. Voilà. À un moment donné, nous aurons tout à l'heure, nous allons avoir des jeux pour vous offrir des iPads. Nous avons de la. On a de la télé géante, c'est ça? Oui, tout à fait. Ça, c'est très bien. Alors, le principe, il y aura deux nouveaux jeux ce soir. Je vous les expliquerai tout à l'heure. Très facile. Si moi j'ai compris, ça va. T'as compris vraiment? Pas tout, je vais relire. C'est bizarre. Et puis nous aurons un spécial, c'est le dossier de ce soir avec cette demoiselle qui a commencé la conversation mais qui n'a pas fini. Oui, sur les rendez-vous. Mais oui, nous allons faire un spécial rendez-vous foireux sur les réseaux sociaux, enfin rendez-vous foireux sur les sites de rencontres. Oui. Donc les Tinder, les Apple, les Adopt un mec, qu'est-ce qui reste? Les Mythiques. Bumble. Mythique, oui. Comment Bumble. Tu connais pas? Je croyais que t'allais me dire Crumble. Non, Bumble. J'y pense qu'à la chose. Jeff, il est sur Crumble. Crumble, ouais, Bumble. Et il est sur ragoût de mouton aussi. C'est un truc. Et tartiflette. C'est que des trucs très pointus. Adopte ta tartiflette. Ouais. Tu connais pas Bumble? Comment? Tu connais pas Bumble? Bah, pardon, excusez-moi. Bumble. Vous connaissez Bumble? C'est Carton. Alors, dans le public, qui connaît Bumble? Deux okay. personnes. Alors, c'est quoi en deux? En gros, c'est comme Tinder, sauf qu'une fois que t'as matché avec une fille, c'est la fille qui doit faire le premier pas. Ah, j'aime bien. Je peux attendre longtemps alors. Bah, ouais. Ça marche pas. Parce que moi, c'est l'histoire de ma vie. Hein. Elle a 24 heures. Moi, toute ma scolarité, j'ai attendu qu'elle fasse le premier pas, elles l'ont jamais fait. Hein, donc, si, mais en arrière. Oui. En marche arrière. Et en marche arrière, elles en faisaient pas qu'un, je vous le dis. Elles arrivaient à courir en marche arrière, ce qui est très rare. Très très rare. Donc nous nous occuperons de ça. On est en TT France. Ouais, toujours. Le hashtag, redis-le mon ami. Je rate mon date quand? Oui, parce que quand vous avez un date. Quand vous avez un date. Tout le monde voit ce que c'est qu'un date. Oui. Rendez-vous. La meilleure définition du date, c'est dans la vérité si je mens. Oui, c'est vrai. Une date, ça veut dire que tu crois que tu vas niquer, mais en fait tu niques pas. Voilà. C'est le bien date. Expliqué. Le date, tu crois que tu vas niquer, mais en fait tu niques pas. C'est ça. Et quand t'es un garçon, ça te coûte. Oui. Ah bah oui. Parce ah, que le date, tu ne peux pas faire payer la jeune femme. Non. Ah non. Ça ne se fait pas. Et si tu commences à faire, on fait 50-50, alors là c'est mort. C'est mort. C'est mort, donc tu payes. Et si après elle dit on va reboire un dernier verre, là tu commences à te dire ah oui mais ça dépend, on fait quoi après le dernier verre? Parce que tout dépend du programme qui suit. Tout dépend la réponse qui vient. On fait quoi après le dernier verre? Parce que sinon c'est un Fanta et dodo. Hein. Si tu veux le petit cocktail avec le petit parapluie, la petite ombrelle, le petit olive et tout, c'est quand même important. Bon donc on en parlera tout à l'heure. Le hashtag, lis en quelques-uns. Ouais, il y a Sébastien qui nous dit je rate mon date quand je lui redemande son prénom en plein milieu du rencard. Et là tu m'as pas écouté. Ah si, mais parce que j'ai dit la petite olive elle est morte de rire. Non. Non. Compris. Tu connais Stouff? Non. Vous êtes malade. Vous avez un esprit malade. Oui. Je ne parlais que d'un cocktail. Continue. Il y a Mélissa qui nous dit je rate mon date quand je me mets en bombe, chevelissée au top et qu'il pleut averse. La pauvre. Ensuite, il y a Amigo qui nous dit. Il écoute rien. Il est sur le livre. Il y a Amigo qui nous dit je rate mon date quand je me sens trop fraîche alors que j'ai mis mon pull à l'envers. Oh, ça va. Ça fait chaud. C'est un peu la honte. Allez, un dernier. Il y a Jean Mouloud qui nous dit je rate mon date quand au resto elle passe sa soirée sur son portable. Excuse-moi, qu'est-ce qui fait rire dans le public sur Jean Mouloud? C'est son prénom Twitter. Hein. Excusez-moi, on peut mixer les prénoms de toutes origines. Bah, bien sûr, évidemment. Bah, bien sûr, on peut très bien demain avoir des Kevin Moïse. Bah, je ne vois pas ce qui est gênant. On a le droit de faire des mélanges qu'on veut. On a le droit, on est tous friendly. Bah, nous sommes tous issus de la même chose. Nous sommes des gens qui peuplons cette terre. On peut mélanger tous les prénoms. Oui, tout à fait, bien sûr. Voilà, c'est possible. Un dernier, il y a mais Margot. Drôle cette fois. Il y a Margot qui nous dit je rate mon date quand mes parents débarquent au resto dans lequel je suis. Ça c'est horrible. Ou quand ta femme débarque au resto. C'était le prochain. Croyez-moi, tu le rates aussi. Et bah tu le mets à la poubelle le prochain. Voici Jonas Blue sur Énergie. Il y aura Dadju dans un instant. Merci d'être avec nous tous les soirs. Vous avez raté votre date, vous aussi, ça s'est mal passé. Réagissez avec le hashtag sur Twitter ou appelez-nous 0800 70 42 48. Bienvenue. Till we fall. They say we got no future at all. They wanna keep us out, can't hold us down anymore. We gonna rise till we fall. When we hit the bottom. Génial, inscrivez-vous Koé public at energy.com. Oui Jeff. Tu sais pas nous parler de Rambo? Non parce que moi j'attends. Bon, j'attends de on va gagner du temps. Demain, 17h, on exclut le nouveau Rambo 5. Demain 17h, ça va. Tout à l'heure on a plein de choses à faire. Il y a quelqu'un que je vais envoyer faire un tour. Ouais, tu sais quoi? Plus fort quand tu rends mon téléphone portable. T'as, vous avez entendu le bruit? Oui. Je l'ai posé sur ton bureau. Non, tu l'as pas posé, tu l'as jeté. Il a fait une chute vertigineuse, il est tout fêlé. Donc en tout cas, tout ça pour dire. Que de tout à l'heure, quelqu'un, une jeune fille, une des deux présélectionnées, va partir faire un tour à Londres pour le concert ultra privé d'Ariana Grande. Dans un instant, nous allons continuer aussi notre publicité dans les grands magasins. Vous savez que ça nous amuse beaucoup. Ah oui. Nous prenons la caissière du magasin et on lui demande de faire notre promo dans le magasin. C'est une petite promo, mais petit à petit. Eh oui, on devient moins petit. L'oiseau fait son nid. Oui. Genre, ça peut donner ça. Chers clients, écoutez Koé tous les soirs. De 17h à 20h sur Énergie. Magnifique. Et quand elle est en pleine forme, ça peut donner ça. Si je devais tromper mon mari, ce serait avec Koé. Voilà. C'est bien. Chez Intersport, elle l'a fait aussi. Écoutez Koé tous les soirs de 17h à 20h sur Énergie. Et si vous écoutez les grandes têtes, passez chez Koé. C'est pas mal, non? J'aime bien, c'est personnalisé à chaque fois. J'aime bien. Allez, attention, je suis dans le public de l'émission. Et Et je dis pas bonjour. Et je dis pas bonjour. Non, je suis impoli. Et je suis mal élevé. Bonjour. Je suis du public et je fais du judo. Ah bah t'as le droit de pas dire bonjour. Oh, là. Pas de soucis. Pas de contrarié. Judo, quelle ceinture? Ceinture noire. Ah ouais, ah ouais. Oh. T'en as fait aussi, Coco, t'as oui, fait. Oui. T'es monté, t'es noir aussi, je crois. Non. Oui, mais là je me suis surtout fait un claquage, donc on va y aller doucement. Par contre, Bordas, ici présent. Ah, j'en ai fait, ouais. Ah, t'en as fait? J'étais ceinture marron, moi. Ah bah on va tester. Juste alors, avant la noire. Oh là là, c'est un ceinture noire de quelle dan? Première dan. Première dan. Ah, c'est Brigitte. Ça fait 10 ans que j'en ai pas fait. Ah, et toi, ça fait combien de temps que t'en as pas fait? J'en fais tous les ans. Ouais. Non, mais tous les ans, tu en fais pas une fois par an? Non. D'accord, donc la dernière fois que tu en as fait, c'était quand? En juin. En juin, d'accord. Ah ouais, ok. Pour prendre l'entraînement, là. Il y a des relâchements. Vas-y, vas-y, Bordas, en position. Mais attends, tu rigoles ou quoi? Voilà, nous avons assisté au dernier hashtag de l'émission. Fais-lui un maquis, Yakitori. On est entêté, quelle position, France? Troisième? On n'est pas numéro 1? Ah, vas-y. Vas-y, fais-toi plaisir. Hajime. Les gars, attendez, pause, attendez. J'ai oublié de donner les consignes. C'est pour jouer. parce que je l'ai vu parti, lui, c'est le combat de sa vie. Ouais. Jeune homme, c'est pour jouer. Il n'y a pas de tapis, il n'y a pas de kimono. Voilà. Oh, ouais, mais c'est Bordas. Oui, non, non, mais c'est pas grave. Pour jouer. Bordas, je te le dis aussi. Oh, auditeur, pas taper. Non, non, mais bon. Pas de rigolade, Didi. Pas de rigolade. Hajime. Ah, ils vont se faire mal, ils vont se faire mal. Non, c'est bon, c'est bon. Il y a des marches. C'est un studio radio, les enfants. Non. Bon, Bordas, joue le jeu, fais-toi battre aussi. Excusez-moi, pardon. Il veut pas. On dirait de la lune. Il se met des coups de jeu. Bordas, viens ici tout de suite. Le petit roquet. Qui se laisse pas faire. Moi, je me laisse pas faire, t'es fou. Mais excuse-moi. Quoi, j'ai gagné. C'est un auditeur. C'est du spectacle. Ça, c'est précieux. Ce garçon, il écoutait peut-être une autre radio il y a des jours. Oui. Il vient de basculer sur une. Tu la vois, celle-là? Okay, on la refait. Non, on la refait pas. On fait rien. Si je te lui demande de faire une démonstration de judo, c'est pas pour que tu lui casses quelque chose. Oui, c'est pour que tu te laisses faire parce que tu as fait du judo. Donc tu sais tomber. Voilà. Ouais, j'ai compris, c'est bon. Non, mais le mec, et toi, faut que tu fasses Koh-Lanta. Hein, sans déconner, tu mangeras des troncs d'arbres. Toi, t'es. Il est incroyable. Attention, allez, on y va. En mode catch, on fait. Reste avec nous, dans un instant, nous appellerons des supermarchés. Bienvenue sur NRJ, on est là tous les soirs, c'est l'émission en public. Restez avec nous, Manon reviendra sur son rendez-vous Tinder qui a raté. Ça fait quand même une heure qu'elle nous l'a raconté. Oui. Elle a dit le premier rendez-vous, ça a été. Mais le deuxième, il a fait un truc spécial. Eh bien, vous le saurez dans un instant, restez là. Vous êtes invité à la NRJ Live Session de Kenji. C'est Kenji sur NRJ. Pour la sortie de mon nouvel album, j'ai décidé de faire un truc de dingue. J'invite 150 auditeurs d'NRJ pour embarquer sur une péniche sur la scène et on se fait un petit concert tranquille. Oh, j'ai des ouf. Pour gagner vos invitations, écoutez NRJ et gagnez vos places toute la journée. La NRJ Live Session de Kenji. Le 31 août. Un événement NRJ. Hit Music Only. En parle. Il y a des sujets auxquels on n'aime pas penser mais qu'il est important d'aborder. Le cambriolage de sa maison par exemple, surtout quand on pense avoir fait le nécessaire. On en parle aujourd'hui avec le Crédit Agricole. Écoutons d'abord le témoignage de Clara. Eh bien, on avait fait installer une alarme dans notre maison. Ça ne nous a pas empêché d'être cambriolés. Et en plein jour en plus. L'alarme n'a servi à rien. Les voleurs ont pu nous cambrioler tranquillement, vu tout ce qu'ils ont pris. Alors Anne, vous êtes conseillère au Crédit Agricole. Qu'est-ce qu'une protection par télésurveillance aurait changé? Eh bien, avec la solution du Crédit Agricole, votre système d'alarme est relié à un centre de télésurveillance qui intervient en temps réel en cas d'intrusion. Oui. En plus d'une sirène puissante, un opérateur interpelle les intrus et les prévient qu'ils sont sur un site protégé et que les forces de l'ordre sont averties. Et ça, croyez-moi, ça les fait fuir au plus vite. J'imagine bien. Merci, Anne. Prestation exécutée par Nexecure Protection pour lequel le Crédit Agricole agit en qualité de mandataire. Autorisation d'exercer CNAPS. L'autorisation d'exercice ne confère aucune prérogative de puissance publique à l'entreprise ou aux personnes qui en bénéficient. Infos légales et conditions sur crédit-agricole.fr. Petite tartine cherche la fraîcheur d'un pur jus d'orange pour un petit déjeuner très vitaminé. Justement chez Grand Frais, pour 6 bouteilles de pur jus d'orange du Brésil achetées, la bouteille d'un litre est à 1,33€ seulement. Le meilleur marché, c'est Grand Frais. Jusqu'au 8 septembre, 1,79€ la bouteille vendue seule. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. La bonne idée bute de la rentrée? Vous faire des économies? En ce moment chez But, le four micro-ondes Whirlpool à 69,99€ est 200% remboursé. Oui, 200% remboursé. Limité à 8000 pièces. Conditions en magasin et sur but.fr. Remboursement par bon d'achat différé. Dis maman, ça veut dire quoi une rentrée orchestra ordinaire? Pour moi, c'est que chez Orchestra, les jeans sont à partir de 5€. Les t-shirts sequins magiques à partir de 6,50€. Et que la carte club, qui permet d'avoir moins 50% toute l'année, est à 10€ au lieu de 30. C'est orchestra ordinaire! Orchestra, mode enfant, maternité, puériculture. Modalité en magasin et sur orchestra.com. C'est la grande braderie chez Castorama. Profitez de centaines d'offres et d'animations en magasin. Mais attention, la grande braderie, c'est en quantité limitée et jusqu'au 10 septembre seulement. Alors foncez, premier arrivé, premier servi. En plus, tentez votre chance au grand jeu de la braderie pour gagner l'un des 300 chariots d'une valeur de 150€. Vous serez aussi inscrit au tirage au sort final pour tenter de gagner une cuisine posée ou une salle de bain posée. Castorama, ensemble on peut tout faire. Jeu valable jusqu'au 10 septembre, voire règlement magasin. Liste des magasins ouverts ce dimanche sur castorama.fr. Quick, jusqu'au 24 septembre seulement, le long est à 3 euros chez Quick. Et un prix aussi petit, c'est une grande nouvelle. Régalez-vous avec les trois recettes du long, aussi délicieuses que différentes. Fan de bœuf, dingue de poulet ou fou de poisson, foncez dans votre restaurant Quick le plus proche. Quick, un goût de légende. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Bonjour Louise, je voulais savoir si je pouvais t'emprunter tes super chaises Atmosfera pour ce week-end. Mais je te les rends vite, hein, d'ici un an ou deux. Avec Atmosfera, créateur d'intérieur, libérez votre pouvoir déco. Et encore une bonne raison d'aller chez Carrefour. La rentrée, c'est simple avec Carrefour. Avec ma carte passe, je peux payer mes achats en trois fois sans intérêt. Génial, non ? Résultat des courses, je vais faire des envieux. Pour vos courses de rentrée, des 50 euros payés en 3 fois sans intérêt avec la carte passe dans vos hypermarchés Carrefour et chez Carrefour Market. Carrefour. Jusqu'à 3000 euros d'achat, remboursement inférieur à 3 mois hors carburant. Carte passe, carte de crédit renouvelable, paiement au comptant ou à crédit, délai de rétractation de 14 jours. Carrefour hypermarché intermédiaire de crédit numéro Orias 0703-1939. Conditions sur carrefourbank.fr. À la foire fouille, c'est en avant les bons plans. Du 27 août au 2 septembre, un bon d'achat de 10 euros vous est offert à partir de 30 euros d'achat. Et parce que nous ne faisons pas les choses à moitié, il est valable dans tout votre magasin. On en profite ? La foire fouille. Voir conditions de l'offre dans les magasins participants et sur lafoirefouille.fr. À la MAE, nous protégeons chaque instant de la vie des enfants, à l'école et pendant toutes leurs activités. On croit souvent que la responsabilité civile suffit à protéger les enfants. C'est faux. Elle les protège lorsqu'ils causent un accident, mais jamais quand ils en sont victimes. L'assurance scolaire MAE protège tous les enfants, petits et grands, dès 11,90 euros par an. Adhérez vite sur MAE.fr. MAE, mon premier assureur. Détail des garanties dans la notice d'information sur MAE.fr. Music only. You love it how I move you. You love it how I touch you, my one. When all is said and done, you believe God is a woman. And I feel it after midnight. A feeling that you can't fight, my one. It lingers when we're done. You believe God. When you try to come for me, I keep on flourishing. Yeah. And he said the universe when I'm the company is j'ai d'autres surprises, je vous les annoncerai demain, pour jeudi prochain, je pense, ou et vendredi prochain. Semaine prochaine, grosse semaine avec plein d'invités, ça y est, ça commence. C'est du gros, c'est gros. Toutes les stars vont débouler. Tout à l'heure, nous saurons qui des deux jeunes filles de hier et d'avant-hier vont aller voir Ariana Grande en concert très privé à Londres. Alors, le principe est simple, nous avons deux fans qui ont été sélectionnés, nous prendrons la plus fan des deux fans. Normal. Celle qui répond bien aux questions. Ah oui, c'est normal, c'est celle qui mérite le plus. Ça veut dire que, je pense, dans tous les cas, il y aura des pleurs. Ah bah oui. Il y aura la pleur de celle qui va y aller. Et celle de celle qui va pas y aller. Ah oui. Je pense que je vais partir avant la fin de l'émission. Moi, j'assumerai pas. Je ne pourrai pas. Il y aura un iPad à gagner au Facile à pas chanter. Qu'est-ce que le Facile à pas chanter? C'est un nouveau jeu. Nous avons pris deux chansons ultra connues et on lit les textes, mais de façon film. Voilà. C'est-à-dire sans mettre aucune chanson, sans fredonner ni quoi que ce soit. Linéaire. Il faut retrouver les deux chanteurs. Ouais. Et alors, ça, c'est dur. Et nous aurons le time minute pour nouveau jeu. Je prendrai quelqu'un qui est quelque part et il nous lancera un défi. Il aura une minute pour. Pas plus, pas moins. Ça va, Jeff? Oui, j'ai bien compris. Est-ce qu'on peut revenir sur cette info que tu nous as dit tout à l'heure? Ah oui, la fameuse. Toi, jeune homme un peu. Un bonhomme, quoi, un bonhomme. Fort, en plein. Bonhomme. Voilà, en pleine croissance. Un bonhomme. Hein, voilà, pour ceux qui ne le connaissent pas, dans un proche du bûcheron canadien. Ah oui, mais je suis un mâle alpha. Qui? C'est quoi ça? C'est-à-dire que je. Un mal alpha, c'est-à-dire que c'est. La meute. Il l'a lu. Chef de meute. Ah, c'est chef de meute. Un mal alpha, ça s'appelle. Oui, je sais. C'est à la Toutou School, ça. T'as lu ça où? À la Toutou School. À la Toutou School. Vous êtes en train de dire que pour les chiens. T'as pris ce qu'on dit pour les chiens? Bah oui, le mâle alpha, c'est celui qui contrôle les autres. Je vous contrôle, vous. Ok, alors dans ce cas-là, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu lis Biba dans les toilettes? C'est un magazine complètement féminin. Mais pas du tout, parce féminin, que j'aime bien ne pas m'ennuyer dans les toilettes. Et comme ma chérie lit Biba, ben je lis Biba parce qu'il est là. Comment tu peux t'ennuyer dans les toilettes, surtout? Comment c'est possible? Je m'ennuie pas, je lis Biba. Ok. Ça, il y a des super recettes. Les mecs de Biba, s'ils nous écoutent, ils se disent là, on va faire une pub. Là. Ah, merci pour le coup de pub. Moi, Jeff, dans les toilettes, je m'ennuie pas, j'ai Biba. Hier soir, j'ai fait une tourte saumon épinard grâce à Biba. Que t'as vu dans les toilettes? Que j'ai lu dans les toilettes. Ah, ouais. Et la tourte est retournée. Oui, c'est bien, merci. Le truc de trop. C'est la boucle est bouclée. Est-ce qu'on peut passer un petit coup de fil au magasin? Ça, j'aime bien. Aujourd'hui, nous changeons. Nous avons fait les supermarchés. Oui. Hier, les magasins de sport. Oui. Aujourd'hui, quel est le signe que tu me fais stouffer? Tourne ton écran. Pourquoi je le tournerais? Celui que tu veux, parce qu'il est plus devant toi. Parce qu'il est plus devant toi. Mais parce qu'en fait, c'est pas le bon, ça. C'est pas le bon, sans fou. D'accord, ok. Non, mais ça me perturbait. Elle me fait des signes. Comment je peux comprendre ce signe avec la main où elle fait le tour de quelqu'un? Elle me regarde, elle fait derrière toi. Ça veut dire quoi, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça fait des années que je fais de la radio. On fait des... Là, on l'a elle invente vu. Des signes. Un jour, on va me faire des oreilles de lapin. Faire... Ça veut dire on est en retard. C'est Ariana Grande. Ariana Grande, oui. C'est spécial. Aujourd'hui, spécial foire fouille. Oui, qu'est-ce que c'est le magasin? Oui. Ça existe encore. Vu qu'il y en a sur mon écran, je pense que ça existe encore. On trouve de tout là-bas. Le principe, leur faire dire qu'on est de retour sur Énergie, la phrase est extrêmement simple. Écoute Écho et tous les soirs de 17h à 20h sur Énergie. Y a pas une petite phrase en plus? Peut-être. Ça fait repousser les cheveux? Peut-être. Attention, toi. Mais c'est pas important. Ne dis pas cheveux. Allô? On va à Albertville. Bienvenue à la foire fouille d'Albertville. Justin Timberlake. Oui, allô? Allô, bonjour, la foire fouille d'Albertville. Oui. Bonjour madame, je m'appelle Coé, on est sur Énergie. Quel est votre prénom? Alors, je m'appelle Princesse Justine. Princesse Justine. Ah oui, attention. Vous vendez c'est des de nouveaux la bourgeoisie savoyarde. Vous vendez des nouveaux trucs dans la foire fouille, donc alors. Ah oui. Ok, alors tout le monde va dire bonsoir, Princesse Justine. 3, 4. Bonsoir, Princesse Justine. Merci. Merci mes braves. Alors, Princesse Justine, je vous explique. Elle est morte de rire. Ils sont de bonne humeur. Hein. C'est pas ce qu'ils vendent, mais c'est bon. En tout cas, moi, j'en veux. Je vous explique. C'est pas gratuit, attention. Non, oui, bah, rien n'est gratuit, mais c'est pas cher la foire fouille. Je suis pas là pour faire de la pub, mais il paraît que c'est pas cher la c'est foire très fouille. Bien en plus. C'est très bien, il y a de tout. Ah, mais oui. C'est super. Je vous recommande de venir ici. Hein. Vous avez commencé l'apéro à quelle heure? C'est ça le problème, c'est qu'on l'a pas encore commencé. Très bien. Ah bon. Non, en même temps, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Bon, je suis de retour sur Énergie, j'ai besoin de vous. La question que je me pose, est-ce que vous avez un micro qui diffuse dans tout le magasin? Oui. Est-ce que vous pouvez, papier-stylo, s'il vous plaît, je vais vous dire une petite phrase. Papier-stylo? Alors attendez, je demande à mes... D'accord, je vous en prie. Bah oui, quand on est une princesse, à on demande... Souffrir. Évidemment, papier-stylo. Ah, mes sous-fifres. Ah, génial. Mes sujets, on dit mes sujets. C'est ça. C'est mieux. Ah, pardon. Vous l'avez? C'est bon, j'ai tout. Alors, la phrase à dire est écoutez Coé tous les soirs. Alors, écoutez Koé. Tous les soirs. Ah ben il nous écoute. Ah oui, oui, tiens. Du coup là. De 17h à 20h sur Énergie. De 17h à 20h tous les soirs. Sur Énergie. Parce que tous les soirs vous l'avez dit avant. Les répétitions. Sur Énergie. Ok. On répète avant, on me lit la phrase. Oui. On la relit alors. Sobre si possible. Allez-y, redites-la. Alors, écoutez Koé tous les soirs de 17h à 20h sur Énergie. On y va. Allez, oh vous me la tentez comme ça, je veux entendre voir ce que ça donne dans le magasin. Allez. Prenez votre... Allez, c'est parti. Prenez votre temps. Bah oui, en plus, je suis loin du micro, alors. Bah allez-y, allez-y. Je vous laisse y aller. Loin, loin ou... Il est dans la même ville. Où je prends de la voiture. Vous avez 20 minutes parce que le magasin est loin. Non, non, je vous en prie. Allez-y, allez-y, allez-y. J'aurais dû vous demander avant de vous rapprocher du micro, c'est vrai que... Mais c'est déjà très gentil de le faire. Allez-y. Il est grand, le magasin, quand même, hein. Eh ouais. Ah ouais. C'est un château. Ouais, c'est... C'est nous, c'est où la musique? Vous nous dites nous, quand vous êtes prêts, hein. Ouais, ouais, ouais, j'arrive. J'arrive. Tranquillou. On a le temps, vous savez, on est jusqu'à 20h, nous, on est pas... Oui, oui, puis on a que ça à faire. Bah oui, on a... Ouais, ouais. Il y en a qui bossent vraiment, quand même. Oui, oui, bien sûr. C'est fou comme les gens pensent qu'on fait un métier de branleur. Ah, c'est vrai, incroyable. C'est dingue. Moi, quand je dis des... Comment tu veux que moi, je sois crédible quand je dis à mes enfants, hey, faut travailler à l'école, hein. Ouais, sinon, ouais, ils me regardent, ils font, ouais, bien sûr. Bon, vous êtes prêts? Ah, bah quand même. Attention, on y va. Écoutez Koé tous les soirs de 17h à 20h sur Énergie. Bravo! Bravo! Bravo, bravo. Allez, on en refait un petit. Allez, on en refait un petit. Encore allez, un autre? Papier stylo. Vous avez le papier stylo? La deuxième oui. phrase. Allez-y, la deuxième phrase. Tous les soirs, écoutez Koé. Ouais. C'est mieux que les ch'tis à la télé. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Bien sûr. Attention, et n'hésitez pas avant à dire « chère cliente de la foire oui. fouille », vous voyez, formule de politesse, quand même. Des éléphants. Allez. Ah oui, t'as pas fini la phrase. Ah oui, c'est long. Hein. C'est écrit comment, je te dis. Attention. Écoutez Koé tous les soirs de 17h à 20h, c'est mieux que regarder les ch'tis. Oui, vous avez merdé un peu dans le truc, oui. mais. Ah, cher client, parce qu'il fallait client. Que ça rime. D'abord, le cher cliente, il est où? Bon, voilà. Ah, moi, c'est. Je suis voilà. comme ça. Les choux, bah. Moi, je suis comme ça. Et moi, je suis comme ça. Hein. Hey, les chers clients, on arrête les formules de politesse. Ouais, hein. Ça va. Hein. Voilà, je vous... mademoiselle, votre prénom, c'est Justine? C'est ça. Et ben, je vous fais un gros bisou, Justine. Justine. Bravo, Justine, princesse de la foire fouille de... d'Albertville. Passez juste un petit bonjour. Mais je vous en prie, allez-y. Alors, je passe un bonjour à... Eh oui, il faut avoir de la mémoire, c'est ça le souci, oui. À qui déjà? À Nicolas. À qui déjà? Imitpapa.com et imazo.com. C'est qui? Allez, j'ai fait ma petite pub. Imazo, je veux pas savoir ce que c'est. Non, je veux pas savoir. Je veux pas savoir. Je ne veux pas savoir. Je ne veux pas savoir. Je n'ai pas cherché. Imazo. Non, oui, non, je veux pas savoir. On a compris, on a compris. On a compris, voilà, on a compris. Okay. Compris. Au revoir, Justine. À bientôt. Je vous laisse à dans bientôt. Le donjon. À bientôt, princesse. Dans le donjon. Oui, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Allez, bienvenue sur Énergie. Qu'est-ce qu'on écoute? Dadju. Oui. Viendra nous voir dans quelques jours. Merci de nous avoir choisis. On est là, en direct. C'est là. C'est pas ça là. C'est pas ça là. Ah non, c'est Dadju. T'es un fragile, Jeff. Ah, Dja. Il a conduit avec Dja. Non, non. Dadju. T'es trop vieux. Tu portes mon nom de famille. Mais ça prend du temps. J'ai même parlé de notre avenir à tes parents, mais ils m'ont dit d'attendre. J'ai fait tout ce que ton père m'a dit, mais il est jamais content. Et s'il décide d'être l'ennemi de notre amour, il sera forcé d'entendre. Quand je briserai les chaînes comme Django, Django. Je briserai les chaînes comme Django, Django. Je briserai les chaînes comme Django, Django. Les chaînes comme Django, Django. Yeah. Il veut nous éloigner, donc il sort toutes sortes de foutaises. Et quand je lui demande quel genre d'homme il te faut, il me dit comme toi, mais pas toi. Laisse-moi le calmer, il faut que son cœur s'apaise. Laisse-moi lui montrer qu'il a tort de penser qu'un autre t'aimera bien plus que moi. Il veut que tu te maries, que tu fondes une famille avec n'importe quel autre homme que moi. Comme comme celui qui vient lui voler sa fille pour te retenir. Il abuse de ses droits. Je veux bien être gentil, papa, mais même toi tu peux pas nous bloquer. Donc on va parler d'homme à homme, car c'est ma vie là et tu m'empêches d'avancer. Je veux que tu portes mon nom de famille, mais ça prend du temps. Même parler de notre avenir à tes parents, ils m'ont dit d'attendre. J'ai fait tout ce que ton père m'a dit. Il est jamais content. Et s'il décide d'être l'ennemi de notre amour, il sera forcé d'entendre. Quand je poserai les chaînes comme Django, Django, Django, Django. Je poserai les chaînes comme Django, Django, Django, Django. Je poserai les chaînes comme Django, Django, Django, Django. Je poserai les chaînes comme Django, Django, Django, Django. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour avoir dans son cœur une place? J'ai fait l'impossible pour que ce soit possible. Il me voit comme un bon à rien, mais dis-lui que je suis bon dans tout ce que je fais. Dans ma vie, je sais où je vais. Contre ses choix, je refuse, je m'impose. C'est toi mon choix et pas une autre. Laisse-le croire qu'on foncera droit dans un mur. Change pas d'avis de nous, je suis sûr. Dis à ta mère, je prendrai soin de toi avec ou sans son accord. L'affaire, je lâcherai pas. Je compte pas t'abandonner. Sache que je veux que tu portes mon nom de famille, mais ça prend du temps. J'ai parlé de notre avenir à tes parents, mais ils m'ont dit d'attendre. J'ai fait tout ce que ton père m'a dit. Il est jamais content. Et s'il décide d'être l'ennemi de notre amour, il sera forcé d'entendre. Quand je poserai les chaînes comme Django, Django, Django, Django. Je poserai les chaînes comme Django, Django, Django, Django. C'est Coé sur Énergie. On est en public. Venez nous voir, coépublic@energie.com. Vous envoyez un mail. Il y a plein de gens qui me parlent aussi sur Insta. Venez me parler, rejoignez-nous. Suivez-moi sur mon Instagram, c'est Coé officiel. Vous pouvez pas rater. Sur Twitter, c'est Coé officiel. Et sur YouTube, vous êtes plus de 3 millions à être abonnés à ma chaîne YouTube. Et la nouvelle vidéo sort aujourd'hui. Là, allez, ça y est, elle est sortie. Elle est dispo. Le jeune homme de 27 ans qui n'avait jamais fait l'amour. Voilà, on vous l'a mise dessus. Comme ça, vous verrez un petit peu les coulisses de l'émission. Vous verrez notre botte tête de rentrée et notre bronzage qui est parti en 4 jours. Voilà, oui, si. Est-ce que vous avez remarqué le coût du bronzage? Ah non, mais c'est une arnaque. Tu t'emmerdes la vie. Pendant 2 semaines à te mettre au soleil. Déjà tu attends un an avant d'aller au soleil. Oui. Tu te mets au soleil. Déjà les 3 premiers jours, bim, t'es rouge, t'as pris un coup de soleil. Tu t'arrives à une jolie couleur. Tu pars, 3 jours après, plus rien. Plus rien. Ça va vite. Mais c'est terrible. Regardez, on est tout blanc. T'es encore un peu toi, mais nous on est blanc. Toi t'es parti en vacances où? Dans ta cave ou quoi? En Bretagne. Non mais sérieux, il est revenu, il m'a dit je suis black tellement je... Je te jure j'étais black. T'as rien du tout. Je te promets. Mais non, Galak. Plus que d'habitude. Rien du tout. Rien du tout. Le hashtag de ce soir, on était en TT France. Merci de nous suivre. Et vous pouvez le mettre en première position. Celui-là, je le sens bien pour qu'on soit. Le faire. Je sens qu'on peut le faire. Le hashtag, c'est. Je rate mon date quand. En plus des dates, tout le monde en fait. Tout le monde fait des rendez-vous grâce aux sites de rencontres. D'abord, il n'y a pas que les sites de rencontres. On peut aussi se faire draguer sur Insta, sur Facebook. Oui. Et hop, d'un seul coup, on y va. Et la personne ne ressemble pas du tout à son Facebook. Je suis sûr que c'est déjà arrivé, ça. Oui, très souvent. Ah, oui. Là où t'as déjà eu Twitter. J'ai déjà eu vraiment la non-ressemblance. Moi, le vrai problème que j'ai avec les filles par ce genre de ce biais, quoi, par les sites de rencontre, c'est que j'attaque et ça ne répond pas derrière. Donc, je pense que je tombe que sur des filles qui n'ont pas de pouce. Elles ne sont pas pourvues de pouce pour me répondre. Tu vois, donc c'est pas pratique avec les coudes pour écrire. Moi, c'est mon souci. Comment ça? Elles te répondent pas? Non, elles répondent pas. Elles te suivent? Elles te matchent? Ça se match? Je réponds, salut, coucou. En plus, t'es sympa, toi, tu dois smiler des petits cœurs. Ouais, et que dalle. Voilà. Et rien. Et ça s'arrête là. Donc j'ai une collection de matchs, j'en ai plein, mais il s'est rien jamais passé parce que j'ai pas eu de réponse. C'est bizarre ça. C'est vrai. Faut envoyer des gifs. Jeff, t'as des. Non, c'est pas bien, on fait pas ça. Mec, non. Non, jamais de la vie, monsieur. Jamais de la vie. Oh là là, attention. Jeff, t'as déjà fait ta période, toi, site de rencontre? Oui, bah moi ça s'est bien passé justement. Lui, il a rencontré sa chérie. Ah oui, c'est vrai. Alors lui, c'est le lover cuculapraline number one. Lui, un match. Une rencontre, un mariage. Mais comme quoi ça arrive. Alors lui, toi t'es une pub vivante pour Tinder. Mais toi, c'est incroyable. Mais t'as pris la première? T'as pris la première ou il y en a eu d'autres avant? Non, vraiment. La première. Première, et moi je peux vous dire, il est revenu du rendez-vous le lendemain au bureau, il m'a dit... C'est la bonne. C'est la bonne. Mais comme quoi, tu vois. Et du coup, il est resté avec. Hein. Et je suis encore avec, ça fait presque. Alors, moi, j'ai une question. Est-ce que tu as enlevé l'application depuis? Oui. Ou tu l'as toujours? Oui. Elle a gardé un moment et moi j'ai enlevé. C'est marrant parce que quand tu dis la vérité, on dirait que tu mens. Tu me lis quelques hashtags, s'il te plaît. Donc le hashtag c'est je rate mon date quand. Et ensuite on a la suite de l'histoire avec Manon à ne pas rater dans quelques secondes. Alors. Et il y a Mayama qui me dit je rate mon date quand j'annonce que j'ai 6 chiens et 12 chats. Ah oui. Bah, évidemment. Ouais, effectivement. Là. Non mais il y a aussi des trucs chelous. C'est les gens des fois qui mettent des photos de leurs enfants. Ah ouais, non mais ça c'est malsain. C'est malsain. Vous iriez manger au restaurant avec quelqu'un qui a liké une photo d'enfant? C'est glauque. Quand on y pense. Le gars il a liké une photo d'enfant et après il parle. Il est pas là l'enfant. Mais non mais mettez pas vos enfants. Non mais faut pas mettre les photos de ses enfants. En présentation ou dans les photos? Dans les présentations des fois ils mettent les photos de leurs enfants. Mais au moins t'es prévenu. Voilà, c'est pour que les choses soient claires, je pense. C'est clair. Mais tu mets dans oui, dans le descriptif. Exactement, dans ta description. Tu dis j'ai deux enfants. Oui, mais au moins tu vois l'enfant, tu sais à quoi il ressemble. Ah bah s'il est moche, tu likes pas alors. Ah excuse-moi, je te trouvais bien, mais ton fils c'est pas possible. C'est dégueulasse. Qu'est-ce que c'est que cette horreur? C'est pas possible. T'as pas des filtres? Mais une tête de chien. Bon, on continue, on reprend Manon d'Angoulême. L'histoire, je vous la résume. Ça va ma petite Manon? Oui, ça va très bien. Bon, merci. Ma belle, on va prendre plein de gens, on aura Sam juste après. Je rappelle le principe. Donc, elle fait un rendez-vous avec un jeune homme il y a 5 ans et elle me dit, premier rendez-vous, tout se passe bien. Oui. Exact. D'accord, on t'a saisi tes meubles, qu'est-ce qui se passe? Non, je suis aux toilettes. C'est cette résonance, généralement c'est ça. Ou les huissiers sont venus. Ou alors tu es dans les toilettes. Un appartement vidé. Pour quelle raison? Il y avait un bibelot là. Il y a un état des lieux à faire. Ah, ok. Bon, alors on va faire vite alors, parce qu'ils vont te prendre le téléphone dans 2 minutes. Allez, je le prends ça madame, ça c'est à nous. Merci beaucoup. Bah, je suis avec Oué. Et donc, premier rendez-vous, garçon très bien, correct, élégant. Oui. Vous revoyez, vous dites on va plus loin. On se revoit, on se donne rendez-vous, on se dit bon, on va passer notre première nuit ensemble. Et puis. Direct. Ah bah non, je te coupe. Ouais. Direct. C'est-à-dire, le deuxième rendez-vous, c'est déjà pour se dire, on passe la nuit ensemble. Bah, ouais. Oh, c'est au feeling. Non, mais bien sûr, j'ai rien dit, moi. Ouais. Non, mais attends, oh là là, nous ne sommes pas dans le jugement. Oh là là, tu fais ce que tu veux. Et donc. Et du coup, il s'avère qu'on regarde un film et que je suis la personne avec qui il ne faut pas regarder de film. Tu t'endors. Je m'endors. Ouais, c'est ça. Donc je m'endors sur le canapé et je me réveille en sentant quelque chose qui me serre fortement les deux chevilles entre elles. Et il avait mis des bâches en plastique blanche. Dexter, tu sais. Et il aiguisait un couteau. Et j'ai eu peur. Non, continue à dormir. Attends, qu'est-ce qui... Je comprends pas, qu'est-ce qui s'est réveillé? En fait, il m'avait attaché les pieds. Très surprise au réveil, très peur, très surprise puisque j'étais chez quelqu'un que je connaissais pas en soi. Et donc, il me dit, non, mais ça s'appelle le bondage. Ah oui, non. Ah ouais. Mais là, c'est bondage involontaire. Ouais, tu préviens la personne. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une pratique où il faut être consentant. Oui. Il faut que la demoiselle et le monsieur soient consentants. C'est comme toutes les pratiques de l'amour. Oui. Il faut jamais forcer personne. Et en fait, la personne se fait attacher et voilà. Et comme elle le veut, ou un petit peu, ou juste les mains. Ou... Elle se fait saucissonner. Mais en fait, voilà. Ou elle ressemble à une paupiette. Ouais. Ça, c'est selon les goûts. Hein, parce que, effectivement. Ça peut ressembler à ça. Oui. Voilà, c'est... Ouais, ou un rose-bif pour 12 personnes, ça dépend. Ça dépend de la personne, ouais. Et t'as dit oui ou t'as dit non? T'as dit surprise. Je ne savais pas surtout ce que c'était. Donc, je suis partie de peur et il m'a dit, écoute, regarde sur Google ce que c'est et on en reparle. Ah, il t'a dit, je fais du bondage, t'as cru que c'était un plat, toi, d'un autre pays? Non, pas trop épicé, le bondage, je ne supporte pas. Non, mais j'en avais jamais entendu parler, vraiment, je ne connaissais pas du tout, quoi, dans ma sagesse, un peu, je savais pas du tout. Comment t'as fait pour te sauver avec les pieds attachés, du coup, en sautant? Ah non, il m'a détaché. Non, il m'a détaché. Ah, en voyant ma tête, je pense, prise des transiteurs, je pense qu'il a compris que c'était pas loin. Pour ce soir-là. Je te fais un gros bisou, Manon. Je t'embrasse fort, ma belle. À bientôt. Au revoir, à bientôt. Allez, on a Sam, 22 ans, dans les Hauts de France. Ça va, Sam? Salut Koé, salut toute l'équipe. Bonjour Sam. Salut Sam, tu vas bien? T'es toujours celui qui conduit et qui boit pas? Ça va. Malheureusement, la blague. Et les mecs qui s'appellent Sam, c'est les seuls que la pub ne fait pas rire. Ah ouais, non. Hé hey Sam, je t'offre un verre. Bah non, pas toi, pardon. Hé hey Sam, tu me déposes? Même à son anniversaire, il a de l'eau minérale, le Sam. Je peux quand même. Non, pas toi, tu es Sam. C'est carrément ça. Bon, alors attention, rendez-vous raté, explique-moi. Rendez-vous, mais ultra raté en fait. J'ai rencontré une fille sur Tinder, on a parlé ensemble pendant une semaine et demie. Très bien. Donc on s'envoyait des photos, tout ça. Franchement, le film, il passait à mort, plein de points communs, tout. Et en fait, on s'est donné rendez-vous au cinéma, on s'est fait un petit ciné. Et arrivé sur place, j'attends et tout. Et je vois une personne, pas une fille, qui me regarde. Je la regarde, je me dis, bah, qu'est-ce qu'elle a me regarder, elle? C'était pas la même? J'appelle justement la copine. Et je lui dis, ouais, t'es où et tout? Elle dit, ah bah je crois que t'es en face de moi. Oh non, j'arrive. Ressemblait pas et du tout. Mais en fait, justement, je me suis dit, il y a beaucoup de filtres Snapchat sur ces photos, des films et tout. Ah bah oui. Mais même au niveau des habits et tout, elle paraissait bien, tout ça, en fait. Et les cheveux, toujours bien coiffés, tout ça. Et là, elle arrive ouais, pas. Mais c'est un filtre cheveux. Non, mais je veux dire, ses cheveux étaient super propres, des filtres, tout ça, avec les oreilles et tout. Je suis pas sur la photo qu'ils sont propres. Le gars qui met la photo Tinder, attends, c'est elle ou pas? Propre. Ça avait l'air soyeux. Mais en gros, elle ressemblait pas du tout. Mais non, en fait, elle arrivait, elle avait déjà un vieux leggings avec des ballerines. Mais c'est quoi ce truc? Elle avait un sweatshirt et s'il te plaît, elle avait pas les oreilles décollées de fou. Non, mais ça c'est pas gentil. Ah, écoutez, elle a utilisé le filtre recollage d'oreilles. Voilà, c'est tout, ça existe. Oui, Bordas. Moi ça m'est arrivé tout pareil et le problème c'est que quand tu vas au ciné, du coup t'es obligé de rester une heure et demie avec elle, donc t'as pas fini, tu vois. Mais ça va, c'est dans le noir, tu regardes un film. Non, mais t'es obligé, tu vois. T'es pas obligé de vous parler. Ça va, elle peut tenir. Même si la demoiselle est pas à ton goût, on peut tenir. Ou alors dès que tu retournes, tu veux du pop-corn? Ah pardon, c'est toi. Ça surprend toujours. Gros bisous mon Sam, je t'embrasse fort. Je continue de nous raconter comment se sont passés vos dates. Allez faire un tour, vous nous appelez 0870 42 48 ou sur koe@energie.com. Restez là, il y aurait du Eddy de Préto dans un instant entre autres. A tout de suite. Gagnez la somme folle de 50 000 euros avec la playlist suprême sur Énergie. La playlist suprême, c'est Jane, Divaphone, Alvaro Soler, Eddy de Préto, David Guetta. Cette playlist sera jouée sur Énergie une seule fois, dans cet ordre précis, aujourd'hui ou dans les jours qui viennent. Soyez attentifs. Dès que vous l'entendez, appelez Énergie 3937 et gagnez la somme incroyable de 50 000 euros. La playlist suprême. C'est une exclusivité Énergie. Salut, c'est Aymeric. Comme vous, j'adore l'été, les soirées, les potes, les barbecues, les apéros en famille et Sam. Et cet été, Sam, c'est moi. Je le dis haut et fort et surtout, je le dis avant de partir en soirée. Comme ça, on ne se demande pas qui conduit au moment de rentrer. Mais cet été, je m'engage à être ce héros indispensable. Celui qui fait la fête sans alcool, reste clair et ramène ses amis sains et saufs. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Retrouvez Sam, le conducteur désigné sur Facebook et sur Instagram. Conforama, le confort pour tous. Les jours Confo-Choc, ça fait l'effet waouh! Avec le lave-linge Candy entre acide 8 kg et sa fonction vapeur, à 299,99€. 150 euros de remise, oui monsieur. Conforama, jusqu'au 24 septembre, conditions en magasin et sur conforama.fr. Pour la rentrée chez Red by SFR, le forfait 40 Go, c'est 10€ par mois. Ah ouais? Mais tu sais, la rentrée, tu rentres de vacances, détendu, bronzé, et là tu t'aperçois qu'il y a deux fois plus d'embouteillages, que les gens dans le bus sont deux fois plus nombreux, que les blagues de ton boss sont deux fois plus lourdes. Ah! Mais tout a doublé ou quoi? Ouais, mais pas chez Red. Le forfait 40 Go, c'est 10€ par mois, sans prix qui double au bout d'un an et sans engagement. Red by SFR, c'est vert, c'est clair. Uniquement en France métropolitaine jusqu'au 24 septembre 2018 pour tous nouveaux clients. Rendez-vous vite sur redbysfr.fr. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie produits frais. Allô, allô, patron? T'as la banane, toi, dis donc? Ah bah non, c'est plutôt Lidl qui l'a. Demain et après-demain, ils nous font le kilo de banane à 99 centimes. Quoi? 99 centimes le kilo de banane? Mais ils nous prennent pour qui? Pour des bananes, patron. Tu crois que c'est le moment de faire tes blagues à 2 balles? À 2 balles? Ah non, à moins d'1€ le kilo, patron. Et en plus, c'est les mêmes prix partout en France, même pendant les vacances. On est mal, hein. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. Catégorie extra, variété Cavendish, calibre P20, origine Afrique, Amérique centrale ou Antilles françaises, vendu en vrac. Voici Citroën C4 Millennium d'occasion, suréquipé, garantie 4 ans, assistance 24-24, satisfait ou remplacé. Qu'est-ce qui vous fait rire? Vous avez dit occasion, vous avez dû vous tromper. Non, non, c'est bien une occasion. Citroën C4 Millennium avec climatisation Bizone, navigation connectée 3D, moins de 30 000 km, est à seulement 14 490€. Citroën Select, des occasions qui ne ressemblent pas à des occasions. Citroën. Offre valable dans le réseau participant et dans la limite des stocks disponibles sur Citroën C4 Millennium Blue HDI 100, mise en circulation 2017. Quick ! Jusqu'au 24 septembre seulement, le long est à 3 euros chez Quick. Et un prix aussi petit, c'est une grande nouvelle. Régalez-vous avec les trois recettes du long, aussi délicieuses que différentes. Fan de bœuf, dingue de poulet ou fou de poisson, foncez dans votre restaurant Quick le plus proche. Quick, un goût de légende. Pour votre santé, bougez plus. Intermarché vous propose d'écouter 4,50 euros. Stabilo vert. Présent. Stabilo bleu. Présent. Stabilo rose. Présent. Stabilo jaune. Présent. Présent. Présent. Présent. Jusqu'au 9 septembre, le paquet de 10 surligneurs de couleur Stabilo Swing Cool, dont 4 jaunes, est à seulement 4,50€ avec en plus 70% d'avantage carte. C'est la rentrée des petits prix et c'est seulement chez Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Modalité et magasins participants sur intermarché.com. Bouygues Télécom. Rémi de Rennes a plein de bonnes résolutions pour la rentrée. Surtout une, trouver un forfait mobile riche en gigas avec un smartphone tout neuf. Le problème, c'est qu'après de radieuses vacances, Rémi a le porte-monnaie raplapla. Alors comment faire? Eh bien, Rémi, tendez l'oreille. En ce moment, chez Bouygues Télécom, ce sont les bonnes résolutions de la rentrée. Profitez de 15€ de réduction par mois pendant 12 mois sur les forfaits sensations 70 gigas et plus. Rendez-vous vite en boutique Bouygues Télécom. Engagement 24 mois, offre soumise à condition avec conservation de numéro. Pour vous et vos enfants, la Halle invente la rentrée pour tous. Avec des offres pour tous les enfants, vraiment pour tous. Comme des super baskets à seulement 9,99€. Et pour vos petits champions, la Halle s'engage aussi à vous rembourser jusqu'à 100% de la licence sportive de votre enfant. Jusqu'à 100%. À la Halle, du 16 août au 10 septembre, en magasin et sur lahalle.com, c'est ça la rentrée pour tous. La Halle. C'est vraiment vous. Pour tout achat supérieur à 70€, remboursement de la licence sportive jusqu'à 22€. Conditions en magasin et sur lahalle.com. Leclerc. Chérie, c'est pas ça l'ardoise sur la liste de Thibault? Une ardoise bic, effaçable à sec avec le feutre et les facettes? Parce que là, tu as du ticket Leclerc. Ah oui, si, c'est ça. Avec une face blanche et une face quadrillée. Oui, oui, c'est ça. Et 1,30€ avec en plus du ticket Leclerc. J'adore. Du 7 août au 8 septembre, c'est la rentrée chez Leclerc. L'ardoise effaçable à sec, bic, une face blanche, une face quadrillée avec feutre et facettes est à 1,30€. Avec en plus 35 centimes en ticket Leclerc. Voir modalités et magasins participants sur www.e.leclerc. Elle est très très bien cette ardoise. Ardoise avec du ticket Leclerc. Tu te rappelles quand on était à l'école, Louise? Oui, t'essayais toujours de shipper mes affaires. Et aujourd'hui, t'essayes de me piquer mes coussins Atmosfera. T'as pas changé en fait. Avec Atmosfera, créateur d'intérieur, libérez votre pouvoir déco. À la MAE, nous protégeons chaque instant de la vie des enfants, à l'école et pendant toutes leurs activités. On croit souvent que la responsabilité civile suffit à protéger les enfants. C'est faux. Elle les protège lorsqu'ils causent un accident, mais jamais quand ils en sont victimes. L'assurance scolaire MAE protège tous les enfants, petits et grands, dès 11,90€ par an. Adhérez vite sur MAE.fr. MAE, mon premier assureur. Détails des garanties dans la notice d'information sur MAE.fr. Avec le service après-vente Peugeot, entretenez l'émotion. Chaque véhicule Peugeot est le fruit d'une conception technologique exigeante de la part de nos ingénieurs. Ce même savoir-faire, vous le retrouvez lorsque vous faites appel aux experts Peugeot pour l'entretien de votre véhicule. Car ils sont les mieux placés pour préserver votre expérience de conduite, comme au premier jour. Jusqu'au 25 septembre, bénéficiez de 50€ de remise sur l'entretien de votre Peugeot en prenant rendez-vous sur Peugeot.fr. Conditions en ligne. C'est la rentrée des bons plans avec votre Géant. Jusqu'au 2 septembre, votre Géant vous rembourse 20 fois la différence sur vos fournitures scolaires si vous trouvez moins cher ailleurs. Oui, Géant vous rembourse 20 fois la différence sur vos fournitures scolaires si vous trouvez moins cher ailleurs. 20 fois la différence. Géant de ses économies. Les prix bas, c'est... Géant ! Offre valable dans les magasins participants, voire conditions en magasin. Et si on assurait son mobile avec Orange? Moi, avec Orange, j'ai trouvé pour mon fils un mobile à petit prix et sans engagement. Moi, en plus, avec Orange, son mobile est assuré en cas de casse, vol ou s'il prend l'eau. Pareil. Et moi, ça me coûte seulement 2,99€ par mois. Ah, pour une fois que tu assures. Oh. Avec l'assurance 24 heures mobile, votre mobile est assuré à partir de seulement 2,99€ par mois et Orange le remplace en 24 heures. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Assurance du mobile utilisée sur la ligne Orange. Engagement 12 mois, contrat d'assurance souscrit par Orange auprès de Cardiff. Conditions en boutique et sur orange.fr. 17h-20h, c'est Coé sur Énergie. Tu seras viril, mon kid. Je ne veux voir aucune larme glisser sur cette gueule héroïque et ce corps tout sculpté pour atteindre des sommets fantastiques que seule une rêverie pourrait surpasser. Tu seras viril, mon kid. Je ne veux voir aucune once féminine, ni des airs, ni des gestes qui veulent dire. Et je sais si ce sont tout de même les pires à venir te castrer pour quelques vocalistes. Tu seras viril, mon kid. Loin de toi, ces finesses tactiques de ces femmes d'origine qui féminisent, groguisent sous prétexte d'être le messie fidèle de ce fier modèle archaïque. Tu seras viril, mon kid. Tu tiendras dans tes mains l'héritage iconique d'Apollon. Et comme tous les garçons, tu courras de ballon en champion et deviendras mon petit héros historique. Viril, mon kid, je veux voir ton teint pâle se noircir de bagarre et forger ton mental pour qu'aucune de ces dames te dirige vers de contrées roses néfastes pour de glorieux gaillards. Tu seras viril, mon kid, tu hisseras ta puissance masculine pour contrer cette essence sensible que ta mère nous balance en famille. Elle fatigue ton invulnérable Achille. Tu seras viril, mon kid. Tu compteras tes billets d'abondance qui fleurissent sous tes pieds, que tu ne croiseras jamais. Tu cracheras sans manière, en tous sens, des fils à fer et dopés de chair, de nerfs, protéines. Et tu seras viril, mon kid. Tu brilleras par ta force physique, ton allure dominante, ta posture de caïd et ton sexe triomphant pour mépriser les faibles. Tu jouiras de ta rude étincelle. Mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, je ne prône pas mon chiffre. Mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent. Mais moi, je joue avec les filles. Mais moi, je ne prône pas mon chiffre. Mais moi, j'accélérerai tes rides pour que tes propos cessent et disparaissent. Coé, c'est pas que de la radio. Follow Coé sur Twitter. Coé officiel. Suivez Coé sur Facebook. Oui. Coé officiel. Bienvenue. Rejoignez Coé sur Instagram. Bienvenue. Coé officiel. Bienvenue. Et enfin, Coé sur Snap. Bienvenue. Je vous le dirais bien, mais j'ai pas le temps. Hein. Je suis en train de gérer mes flammes. Coé. 17h, 20h. C'est Coé sur Énergie. Ouais. La semaine prochaine, plein d'invités, plein de surprises. Je vous dirai tout ça tout à l'heure. Nous aurons une jeune fille qui va partir voir Ariana Grande en concert. Concert très privé du côté de l'ombre, transport, hébergement, la totale, je vous préviens, ça va pleurer vers la fin de l'émission. Oui, Miko, tu levais la main ? Oui, par rapport au jingle qui vient de passer, je suis un petit peu déçu, je n'ai entendu ton prénom que 22 fois. Oui, c'est normal. C'est normal, on a décidé de faire sobre. Okay, ce sont les nouvelles règles. C'est bien, tu grandis. J'ai écouté Eddie Depreto juste avant, il a une phrase dans son refrain, il dit quoi ? Il parle de son chibre. Je ne compte pas mon chibre, on a tous entendu la même chose. Ouais. Non, moi, d'accord. C'est trompe. Hein ? Je ne trompe pas mon chibre. Ah, c'est ça les paroles. Ah bon ? Oui. Par rapport à sa sexualité. Un chibre, c'est un zizi. Oui. Pour ceux qui ne savent pas, oui, c'était une tub. Bah non, mais en même temps, je ne trompe pas ma tub, c'est moins joli dans une chanson. Parce que chibre, c'est très rarement sorti quand même. Oui, mais c'est joli comme mot, je trouve chibre. Oui. Non, il dit je ne prône pas mon chibre. Ah, ok. Prône. En fait, vous êtes en train de me dire qu'on l'a entendu cette chanson 8000 fois, on n'a jamais compris ce qu'il chantait. C'est ça. On découvre. Je ne prône pas mon chibre. D'accord, donc ça veut dire ça, pas en arrière. C'est pas le plus important. Je ne compte pas mon chibre. Parce que nous, on avait compris, je ne compte pas mon chibre. Il y en a qu'un. Oui, s'il a compté. Ça va vite. Des fois, il y a 0,5. Bon, en attendant, passez-nous un coup de fil 0870 42 48. C'est un spécial rendez-vous raté. Est-ce qu'il y en a qui ont envie de rencontrer déjà, de raconter un petit rendez-vous raté qui s'est passé, rendez-vous de site de rencontre ou chose comme ça dans l'équipe? Stouf, jamais fait? Mais je ne suis sur aucune appli. Enfin, j'ai jamais été sur ces sites, jamais, ces applis-là. Non, jamais. J'ai Bordas. Un jour, on lui a créé un faux compte. Elle avait que des matchs, mais tout le temps. On a spammé le téléphone. Bah, normal, elle est jolie. Mais elle est super jolie. Le mec, il a l'air de dire incroyable, hallucinant. On a mis sa photo, les gens matchés. Non, mais c'était vraiment ça a spammé le téléphone. Non, mais je veux dire, c'est pas le chien de Colombo, c'est Stouff. Elle est jolie, elle est magnifique. Elle est super jolie. Moi, je la considère comme ma sœur, c'est différent. Oui, bah enfin, ta sœur est jolie alors. Non, mais très honnêtement, Stouff en photo, elle est magnifique et je comprends que les gars, ils la suivent. C'est bien ce que tu viens de dire. En photo, elle est en photo. En vrai, c'est un boudin. Hein. Attendez, faisons une pause. Vous l'avez compris aussi comme ça, le public, c'était moyen. Oui, il confirme. Vous avez raison, c'est moyen. Fais gaffe. J'avais pas mieux, là. Je retire. Stouff. Allez, merci. Mais un peu mieux en photo, quand même. Ah, salaud. Non, elle est très photogénique. Elle est super photogénique. Derrière ce que je viens de dire, ne voyez pas que la petite saloperie, mais elle est magnifique. Alors, elle est jolie en vrai, mais en photo, elle a c'est ce gênant, petit truc. C'est gênant, tu me gênes, là. En dans fait, le regard. Non, elle a un petit regard truc. De ouf. T'as des gens pris en photo, ils sont pas photogéniques. C'est mon strabisme. Ah, mais c'est j'adore, ça. Mais c'est mais hyper mignon. Mais c'est vrai, maintenant que tu le dis. Eh oui, t'as un bien sûr. Eh oui, le strabisme. Léger. Ah oui. Ah, je l'ai pas vu. Oh, il est léger. Oui, mais il est léger, mais j'en ai un. Ah, j'ai le doigt. C'est juste pour faire l'expérience. Oh, non, tu sais quoi? C'est une petite coquetterie, ça te oui, va bien. Oui, merci. Voilà, donc t'es très photogénique. C'est merci ce que je voulais dire. En attendant, donc passez-nous un coup de fil 0870-42-48 sur les pires rendez-vous. Je disais, personne dans l'équipe n'a fait de rendez-vous raté une moi, fois. C'est le cinéma. Et... Si tu l'as déjà raconté, c'est déjà bien. Ah, il y a eu un truc dans ta vie, toi, donc. Mais non, mais ça m'a un peu. Le mec, toute l'année, on va lui poser une question, il va dire bah, une fois, je suis au cinéma. Le problème, c'est le seul qu'il avait eu. Donc, Non, mais j'aime pas moi, trop ça, une moi. Fois. Moi, j'ai eu... moi, quand j'étais célibataire, voilà, quand je me suis fait larguer comme un caca, je me suis dit tiens, allez, je me mets dessus. Et j'avais rendez-vous vite fait un jour pour boire un verre avec une demoiselle. Oui. Et je ne l'ai pas reconnue. Parce que la demoiselle n'était pas du tout comme ses photos. D'accord. Mais elle était. Mieux ou. Non, je vais vous dire la vérité. Les photos, elle les étirait. Ah. Et en vrai, elle était plus ronde. D'accord. Et on boit un verre et elle me dit, bon, j'ai l'impression que... Et je lui ai dit la vérité. Et je lui ai dit, je trouve que c'est dommage que tu triches sur les photos parce que y a des gars qui te disent oui et d'un seul coup, ils te voient, bah, ils sont déçus. Alors qu'il y a peut-être plein de mecs oui, qui ouais. aiment les filles avec des formes ouais. qui ne vont pas te matcher parce qu'ils voient des photos de mince. Absolument. Donc c'est ridicule de mettre ou trop de filtres ou de s'agrandir, de s'élargir. C'est comme si tu avais mis une photo avec des cheveux longs, par exemple. Bah voilà. Comme si moi je me prenais d'en haut pour pas qu'on voit que. Bon. En tirant la langue. Voilà. En tirant la langue pour pas qu'il y ait de double menton, puis en mettant juste au niveau des cheveux pour pas que. Bon. Dans un instant, Sandra va jouer avec nous. Mais qu'est-ce qu'on va écouter dans un instant, Bichette? Clean Bandit. Juste après Clean Bandit, Sandra va jouer avec nous. Oh, pas facile à chanter. Ça va, Sandra? Oui, ça va, merci. Ma petite chérie, salut, ma Sandra. Sandra, je te demande de te concentrer parce que le jeu qu'on va essayer dans un instant. Quelque chose me dit, Sandra, qu'on va l'essayer ce soir et qu'il ne reviendra jamais demain. Un test. Je pense que tu vas jouer à un jeu unique, collector. Un one shot. Reste hey. Avec nous, Sandra, on s'en occupe dans un instant. Non, ce ne sera pas facile. On prend les paroles de deux chansons, on les lit sur un ton neutre et il faut retrouver les deux chansons. C'est pas évident. Ah. Bah, je vous le dis, il ne reviendra pas demain, celui-là. Voici Clean Bandit et Demi Lovato. Il y aura Maroon 5 tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y aura encore? Il y aura Jane, il y aura Tiesto, il y aura Maître Gims et Alvaro Soler. Every single night I lose it. I can't even hear the music. I do. It's so long. Sur Énergie. Inscrivez-vous pour gagner 10 000 euros. Vous avez envie de gagner 10 000 euros. Je sens que les 10 000 euros vont tomber demain. Je sens que demain vous allez me trouver la bonne poche. Jeff avait 10 000 euros sur lui aujourd'hui. Ouais, c'était bien. Alors, par contre, je vous dis un truc. Arrêtez de me demander moi. Oui. Non, mais parce que je sais que là, il y en a qui se disent oh, on a demandé 3 fois de suite Coé. À un moment donné, il aura bien l'enveloppe des 10 000. Non, c'est le hasard. C'est le hasard. On ne sait pas combien on a sur nous. En tout cas, inscrivez-vous. Vous faites le 7, 10, 12. Vous envoyez vos SMS en mettant Coé au début. Il y a jusqu'à 10 000 euros à gagner. Et alors là, on fait encore plus fort. Il y a jusqu'à 50 000 euros à gagner sur Énergie. Dès que vous entendez la playlist suprême, dès qu'il y a Jane, enchaînée à Divaphone et Léa Passy, enchaînée à Alvaro Soler, pas dans la même journée tout ça, hein. Enchaînée à Edith Depreto Kid, enchaînée à David Guetta, bim, vous appellerez le 3937 et vous pouvez gagner 50 000 euros pour une seule personne. C'est beau, hein. C'est joli. C'est beau, 50 000 euros. Qu'est-ce que vous ferez? T'as 50 000 euros qui tombent tout de suite. Stouf, tu fais quoi? J'achète une voiture. Ouais, bien. Une voiture. T'as une grosse voiture à 50 000 euros ou non, tu non, gardes non, un peu? Je garde un peu. Ouais, pour l'essence, bien sûr. Bah, allez, maligne, allez, maligne. Bah oui. Ah oui, faut pas tout mettre dedans. Jeff. Voyage. Direct. Voyage, Désirless, 86. Voilà. Exactement. Ok, très bien. Nico. Une maison en Pépito. Petite maison, mais 50 000 euros. Je pourrais la manger comme ça. Attaque la porte. Hop, et dès qu'il y a un coup de soleil. Bordaz. Moi, une fois au cinéma, je suis allé avec une fille. Non, moi, je pense que. Et ma quand on était au cinéma, eh ben, elle était pas jolie, mais je me retournais à non. côté, ben, c'était long, une heure et demie. Moi, je vais rembourser mon prêt étudiant, je pense. Ah oui, bien sûr. Genre, t'es étudiant, on va faire ça. Il m'en reste pour 10 000, là. Ah, quand même. Donc, il vous restera 40 000. J'ai le temps de voir venir. Ah oui, bon, de toute façon, tu les gagneras pas. Oui, pas. Oui, c'est vrai. En attendant, nous allons continuer l'enquête sur vos rendez-vous Tinder et vos rendez-vous de réseaux sociaux qui ont été des catastrophes. Pas réseaux sociaux, ce site de rencontre. Si, mais non, mais réseaux sociaux aussi. Oui. Parce que sur Facebook. Ça marche aussi, sur Twitter, ça drague. Regardez le nombre de couples qui sont tombés parce que les mecs ont discuté un petit peu sur Facebook et ils ont oublié de fermer. Madame est arrivée dessus, elle a vu la conversation. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Est-ce que vous pensez, Stouf, t'es une fille? Oui. Est-ce que c'était tout? T'es une fille? Oui. Tout ce que j'avais précisé. Est-ce que tu penses? Je veux ton avis sincère. Vas-y, vas-y. Tu vas sur le Facebook de ton chéri et tu vois qu'il a fait une conversation avec une fille. Il a rien fait, mais il a fait qu'une conversation. Alors, c'est trompé ou c'est pas ça trompé? Ça dépend de la conversation. C'est une conversation normale, basique. Normal, non, normal. Si le mec il demande s'il peut changer les roues de sa Twingo, non, c'est pas. Non, une conversation, tu sens qu'elle a envoyé une petite photo, il dit ah, t'es trop jolie. Ouais, ils font connaissance. Attends, est-ce qu'elle a émoji et aubergine? Ça dépend. Tu sens qu'il a envoyé émoji, aubergine et goutte d'eau derrière? Ah, là. Ah, non, elle a envoyé aubergine, abricot. Et petite... Non, non, non. C'est dur, hein, quand même. Hein. Non, mais oui. Non mais je suis jalouse donc. Donc oui tu le quittes. Non je le quitte pas. Bah non. Ah non, le défense. Bah, mais moi je pense qu'il y a des couples qui se sont quittés pour ça. Hein. Pour ça. Ouais, ouais, je pense pour, ça. Oui. Une dame qui tombe sur des messages ou des fois les mecs qui tombent sur les messages d'une fille aussi. Oui. Ouais, tu devines de son lisant. Oui mais tu après, vois faut bien. Pas... Non mais il faut faire attention à pas interpréter autre chose aussi parce que ça arrive. Non c'est vrai que aubergine et goutte d'eau mais... peut-être que, là, peut-être que c'était pour dire tiens et si j'arrosais mon potager. Évidemment. Je te jure tu te fais des idées. Tu te fais des idées. Je peux tout expliquer. Maintenant que tu le dis, c'est bizarre. Bon allez, attention, dans un instant nous aurons Paola, 24 ans de Nancy, qui nous racontera son rendez-vous. Tu bouges pas Paola? Oui, bonjour, salut. Bonjour ma petite Paola, bonjour ma petite Paola, tu ne bouges pas, d'accord? Non, j'attends. A tout de suite ma chérie. Mais pour l'instant, Sandra, pour le pas facile à chanter. Ah, le jeu, le fameux. Sandra, est-ce que t'as un chéri? Oui. Très bien. C'est bien. Oui. Comment il s'appelle ton chéri? Mathieu. D'accord, vous êtes ensemble depuis longtemps? 12 ans. Ah, 12 ans? Oui. Mais t'as 26 ans, ça veut dire que vous êtes... attendez, laissez-moi 3 secondes. 14 ans? Oui. 2 ans ou 12 ans? 12. 12. Vous êtes ensemble depuis que t'as 14 ans? Oui. Ouais, c'est ouf ça. Ouais. Vous êtes rencontrés à l'école en fait. Bonne analyse, Miko. C'est un endroit que j'ai pas tellement côtoyé. Moi, je connais pas. Je sais à quel temps il dit non, on était déjà au bureau. Bah oui. Attention, tu vas jouer avec nous. Et là, je demande une énorme concentration. Oui, on va essayer. Tu vas jouer au pas facile à chanter. Tu les as, les sons, Michette? Oui, toi aussi, tu les as. Oui, mais je ne les ai pas trouvés. En 13. Donc, le pas facile. En 13, merci beaucoup. Le pas facile à chanter, c'est simple. Nous avons pris des paroles de deux chansons françaises. Que nous avons mis dans une espèce, comme si c'était un dialogue de film. Conversation. Voilà. Voilà. Je te demande, alors la règle du jeu stouff, soyons précis, il y a quand même un iPad à gagner. Oui. Si elle m'en trouve systématiquement un sur les deux. On va dire que oui. Au minimum un sur les deux. Au minimum un sur les deux. Pietre y croit beaucoup à son jeu. Ah oui, parce que Pietre travaille toujours avec nous, je le dis, parce que vous êtes nombreux à nous dire, ouais, mais Pietre est plus là. Si, il est toujours là. Voilà. Mais il n'est pas à l'antenne. Voilà. Alors arrêtez vos messages, j'en veux plus. Ah ouais. Non, mais il est là, bien sûr. Moi, je réponds à tout le monde. Mais vous savez bien que ce jeu pourri vient de lui. Enfin, vous reconnaissez sa patte. Signature. Il y a un truc, si ça venait de moi, il serait déjà à la poubelle. Corinne n'y croit pas. Ah, mais je n'y crois pas. Je n'y crois pas du tout à ce jeu. Je n'y crois pas. Attends, mais laisse sa chance au produit. Mais je vais laisser sa chance au produit. Mais je n'y crois pas. Autant tout à l'heure, on va refaire un devine qui c'est. Oui. J'y crois. Ah oui. J'y crois. Voilà, on aura une personne qui va dire c'est Jean-Michel. Oui, c'est Jean-Michel. Mais je croyais qu'il était mort. Ah oui, c'est vrai. Je suis revenu. Attention, Sandra, concentration. Tu es prête? Allez, c'est parti. On y va. On y va. Ah, okay. Bah, vu que tu. Moi, je le fais, t'as raison. Attention, on y va. Dis-moi si je dois partir ou pas. Dis-moi, où? Dis-moi si je dois partir ou pas. Car je suis fou de toi quand tu m'appartiens pas. Passe avant minuit. Je vais te faire vivre un dream. Les habits qui brillent tels les mille et une nuits. Paris est vraiment ma magique. J'ai vu ce film. Excuse-moi là-haut. C'est quoi cette voix de crooner Paris t'es mais non mais je sais que c'est censé être un film. Je vais te faire vivre, joue, quoi. Te faire vivre un dream. Le comédien quoi. Sandra, est-ce que tu en as reconnu un sur deux? En fait, c'est les paroles d'une chanson, c'est ça? Ah bah ça, c'est le concept du jeu. C'est les paroles de deux chansons. J'ai pas compris. Ce jeu va être unique. Honnêtement, le deuxième pas du tout. Et le premier. Je vais te faire vivre un dream. Pardon? Je vais te faire vivre un dream. Paris et ma magique. Je vais te faire vivre un dream. Je vais te faire vivre un dream. Un dream. Merde, je peux pas faire mieux. On va pas plus aider là. Un dream. Mais là, c'est pas ça. Ah, Maître Gims. Waouh. Je ne t'ai pas aidé. Attends, elle a peut-être reconnu le premier, je crois. Et le premier? Le premier, je suis pas sûre honnêtement, mais peut-être les paroles de Bébé Brune. Dis-moi. Moi, j'aime bien ce jeu. C'était ça. Et l'autre? Passe avant minuit. Sinon on est fermé. Et si on est fermé, tu repars. C'était fort ça quand même. Moi je le remets bien comme ça. Qu'est-ce qu'il y a encore? Quoi? J'ai envie de mettre un titre. Bon. Tu veux écouter quoi? Maroon 5. Bon, je le valide. S'il te plaît. Dans un instant, pour l'instant, tu as bien démarré. Il en restera deux. Tu restes avec nous? Oui, oui, j'attends. Ça va être dur, les prochains. Les prochains vont être très, très, très durs. Ce jeu, je ne le sens pas du tout. Merci de nous avoir choisis. Voici Maroon 5. Making things right between us. But now it's all good, babe. Roll that backwood, babe. And let me close. 'Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you. Maybe it's 6:45. Maybe I'm barely alive. Maybe you're taking my shit for the last time. Yeah. Maybe I know that I'm drunk. Maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive. Ago, I was dancing for dollars. No, it's really real if I let you be my mama. You don't want a girl like me, I'm too crazy. Where every other girl you meet is too gazy. I'm sure them other girls were nice enough, but you need someone to spice it up. So who you gonna call? Cardi, Cardi. Coming revved up like a Harley, Harley. Why is the best food always forbidden? I'm coming to you now doing 20 over the limit. The red light, stop. I don't play when it comes to my heart. Let's get it though. I don't really want a white horse in a carriage. I'm thinking more of white horses and carriage. I need you right here, cause every time you fall, I play with this kitty like you play with your guitar. Cause girls like you, guys like me. So now when I come through, I need a girl like you. Yeah, yeah. Girls like you, girls like you. Me, do what I want. When I come through, I need a girl like you. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Elle s'appelle Sandra, elle a 26 ans, elle habite Beauvais. Elle avait depuis 12 ans avec son chéri. C'est la dernière ligne droite pour gagner sur iPad. Est-ce que tu es prête, ma petite Sandra? Allez, c'est parti. Le paf. Oh. Allez, c'est parti. Allez, voilà, et qu'on finisse. Ouais, deux chansons mélangées, attention. T'es si jolie. Tu me rends dingue. Je rêve que tu viennes sur mon bateau. Que toutes les nuits, on fasse la brinque. La mer, c'est dégueulasse. Hein. Les poissons baissent dedans. Alors, au moins une des deux chansons. Moi, j'aime bien. Ah, il y en a deux. Ah oui, la première, c'est... Yes. Ah, ah. Allez, Sandra, on se concentre. Vite, il y en a pas à gagner. Donc, je dirais pour la deuxième, peut-être Renault. La mer, c'est dégueulasse. Ah, les poissons pèsent dedans. Et la première? La première. Il y a un indice, là, il y a un indice. Sur ta main. Ah, non, non, non. Aussi. Eh ben, c'est gagné. Bisous, ma chérie. On t'offre l'iPad qu'on t'envoie chez toi à la maison. On est de retour dans 2 minutes. Je t'embrasse avec la suite des rendez-vous ratés. Vos stars énergie préférées sont de retour sur la scène du Énergie. Énergie Music, Music Tour. Plus de 50 villes dans le monde. Plus de 2 millions de spectateurs. La plus grande tournée musicale gratuite en France revient à Agno le 8 septembre. Sur scène, c'est Kenji sur Énergie. Feder, Cetal sur Énergie. Hyphen Hyphen, Pontenance, Lautner, Bento, c'est Dajou sur Énergie. Et c'est Soprano sur Énergie. Le Énergie Music Tour, présenté par Mickaël, le 8 septembre à Agno avec Ibis. Pour vous, vous et vous, fans de petites attentions, un événement Énergie Hit Music Only. Salut, c'est Aymeric. Comme vous, j'adore l'été, les soirées, les potes, les barbecues, les apéros en famille et Sam. Et cet été, Sam, c'est moi. Je le dis haut et fort et surtout, je le dis avant de partir en soirée. Comme ça, on ne se demande pas qui conduit au moment de rentrer. Mais cet été, je m'engage à être ce héros indispensable. Celui qui fait la fête sans alcool, reste clair et ramène ses amis sains et saufs. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Retrouvez Sam, le conducteur désigné sur Facebook et sur Instagram. Soche présente. T'as vu la nouvelle offre Soche Internet à la maison? Ah ouais? Une box Soche? Une box Soche? Une box Soche? Oh là là! Te fatigue pas, ça s'appelle la boîte Soche. Ah, ah bah oui, c'est simple. Et sans engagement. La boîte Soche, c'est Internet à la maison sans engagement et sur le réseau Internet Orange. Jusqu'au 7 septembre, à partir de 9,99€ par mois pendant un an, puis 19,99€ par mois. Et vous, quand est-ce que vous pâchez ces choses? Promotion valable en métropole pour toute nouvelle souscription à un forfait ADSL 19,99€ par mois sous réserve d'éligibilité. Frais de résiliation de 50€, conditions sur soche.fr. La bonne idée bute, c'est un four micro-ondes 200% remboursé. Si ça envoie pas des bonnes ondes, ça. En ce moment chez But, c'est la rentrée maline. Le four micro-ondes Whirlpool à 69,99€ est 200% remboursé. Oui, 200% remboursé. But, des prix et des idées tous les jours. Limité à 8000 pièces. Conditions en magasin et sur but.fr. Remboursement par bon d'achat différé. Kin, le commencement. La nouvelle saga des producteurs de Stranger Things débarque au cinéma. T'es prêt pour ça? Certaines choses... Qu'est-ce que c'est que ce truc? ...ne sont pas censées être trouvées. Il y a des mecs dangereux qui veulent notre peau. Vous n'aurez qu'une envie, connaître la suite. Ils rigolent pas ces gens-là. Nous non plus. Kin, le commencement, actuellement au cinéma. Fonce! Avec énergie. Quick, jusqu'au 24 septembre seulement, le long est à 3€ chez Quick. Et un prix aussi petit, c'est une grande nouvelle. Régalez-vous avec les trois recettes du long, aussi délicieuses que différentes. Fan de bœuf, dingue de poulet ou fou de poisson, foncez dans votre restaurant Quick le plus proche. Quick, un goût de légende.

bonjour. Chloé. Je m'appelle Chloé, merci pour tous vos messages. Merci d'être avec nous, prenez le rendez-vous 17h, 18h, c'est le before 18h. On est en public avec vous. Venez dans le studio, venez nous voir. C'est gratuit. Mais venez. Mais non, mais vraiment, inscrivez-vous. Coépublic@energie.com. C'est ça, energie.com. Venez nous voir. Ça va, monsieur Bordas? Ça va et toi? Bah ouais, une fois j'étais au cinéma. Ça va. J'étais avec ma copine. C'était pas la même que sur le rue. J'étais pas une heure et demie à passer avec elle. Bon, en attendant, continuez de réagir sur tous les réseaux sociaux. Vous êtes presque 10 millions sur tous mes réseaux sociaux. Vous êtes 3 millions, je sais plus combien, sur YouTube. C'est beaucoup, 3 millions. 3 millions 50 000. Ben, c'est plus que l'audience de certains programmes télé quand même. Hein. Oui, oui, ben en abonné. Non, non. Mais là, on a une nouvelle vidéo. Donc, ce jeune homme qui était un jeune puceau de 27 ans. Donc. La vidéo est en ligne depuis tout à l'heure. Allez la voir et passez un bon moment avec nous. Demain, ce sera vendredi. Donc tous les jours, on est en direct tous les jours. Demain, vendredi, venez nous voir. Vous êtes en week-end et je vous propose un vendredi la semaine prochaine qui va être magnifique. J'ai déjà des noms d'invités. Ah, vous allez adorer. Surprise. Ah, je vous assure, vous allez kiffer. Demain, je pense qu'il y aura 10 000 euros qui vont tomber. Je le sens. Je le sens. J'ai du pif. Ah bon? J'ai du pif. Inscrivez-vous 7, 10, 12 par SMS. Choisissez la bonne personne et gagnez peut-être 10 000 euros. On a Paola. Qui habite Nancy, qui a 24 ans. Ça va, Paola? Oui, ça va bien. Bienvenue, Paola. Ben, merci. Qu'est-ce qu'il y a, pourquoi vous riez? Si tu dis Paola, l'autre, il pense à une paella, il a faim, regarde. Il se tient le ventre. Mais t'es grave. Non, mais je savais pas quoi manger, ça m'a donné une idée, en fait. Ah, je mangeais de la Paola. Et si je lui dis coucou, ah, couscous. Coucou, Paola, j'hésite entre couscous et paella. Je vais faire les deux. Ah, voilà, j'hésite. T'es chier, je t'ai dessiné sur la paella. C'était pas possible, Jeff. Non, mais t'as pas faim, toi? Oh là là, non, c'est bon. Ça va. Bon, Paola, excuse-nous. T'as 24 ans? Oui. Raconte-moi un petit peu, spécial rendez-vous qui ont foiré. Je t'écoute, une date. Eh ben, j'étais sur Tinder et. Ceci dit, on n'a pas arrêté de dire Tinder. Personne n'est allé draguer sur Mythic ou Mythic Affinity? C'est quoi Mythic Affinity? Vous avez pas vu, vous avez passé le truc, c'est le truc haut de gamme Mythic Affinity. Ah, vous avez pas vu cette pub? Il y a un nouveau Mythic qui est sorti. Oui. C'est pas Mythic Affinity, c'est Mythic. Et en fait, ouais, il te donne une sorte de qualité. Alors, sur les hommes. C'est ça qui est fantastique. La pub le dit, il faudrait qu'on retrouve la pub. La pub te dit, c'est fini les mecs qui demandent des photos de vous nus. Puisque Mythic, machin truc, ces hommes sont certifiés par les femmes. Voilà. D'accord. En fait, donc ça veut dire que le mec qui sont dessus ont déjà parlé avec 12 autres nanas. C'est ça. Avec qui ils sont pas allés, mais elles les ont certifiés, elles ont dit ils sont sympas. Ah, les valides pour les autres. Elles les valident. Pas matché, mais bon. J'ai paniqué, mais je les ai validés. Non, mais on fait pas ces sites de rencontres pour se faire valider quand mais même. Mais on peut revenir sur Mythic Infinity. Pourquoi tu dis c'est Affinity, pas Infinity. Affinity. Et au-delà. Avengers. C'est clair. Haut de gamme. Parce que c'est quoi, plus cher. Je crois que c'est plus cher. Et tu choisis en fonction de tes affinités. Et je crois que c'est cher pour les hommes. Oui, c'est gratuit pour les filles. Je crois que ça coûte un bras. Je crois que c'est tu dois être à 10 euros ou 15 euros par mois. Je crois que c'est assez cher. C'est un petit budget quand même. C'est un petit budget. À cela, tu rajoutes le restaurant, la place de parking, le cinéma. Oui, parce qu'une fois, je vais au cinéma. Le cinéma. Les fleurs. Et que t'es pas sûr de. Vous voyez ce que je veux dire? De conclure. Tout ça coûte un petit peu cher. Voilà, on n'est pas. Moi, je vais sortir avec le buisson CTLM si ça continue. Lui, au moins, il peut te faire une rallonge. Non, t'inquiète, le buisson CTLM, c'est le seul qui dit non, t'inquiète, je paye. Je gère. T'inquiète, je paye, mais tu paieras plus tard, mais je paye. Bon, Paola, raconte-moi donc ton rendez-vous. Eh bien, du coup, on avait matché, donc on a pris rendez-vous à 20h près d'un bar. Il était beau, comment il était physiquement? Ah, super, blond, les yeux bleus, musclé, teint mat, vraiment le top, quoi. Donc, quand tu es la photo, blond, musclé, le teint mat, ok, d'accord. C'est bizarre. Ouais. C'est chelou d'être blond et le teint mat, quand même, c'est assez rare. Bah, c'est un surfeur. Il venait d'être bronzé, quoi. Et donc, tu es donc complètement en train de me dire que vous ne craquez que sur le physique. Ouais, c'est ça. D'accord. Ah, et nous, quand on le dit. Ça veut dire que nous, quand on le dit, on est des porcs. Salaud. Salaud, le plus important, c'est pas le physique, c'est l'intérieur. T'as vu les limites qu'il a? Mais elles disent non, alors lui, il est gros, lui, il a pas de cheveux, lui, il est yeuve, lui, machin. Lui, il a le teint mat, il est blond, il a des gros muscles. Hop, je valide. Mais moi, je rigole. Faut mettre des photos mythos, en fait. Ouais, oui. Je vais mettre Bradley Cooper à partir de maintenant. Ah, bien sûr. Bah, si. Ah, voilà, on va faire un site. Au lieu que ça s'appelle Mythic, ça sera Mythoc. Que des photos mythos. Que des mythos. Il va y avoir que des beaux gosses sur le site. Que des beaux gosses mythos. Et alors, donc, bon, il est beau gosse, tu y vas, raconte-moi la suite. Donc, j'y vais, on devait se retrouver devant un bar, et en effet, tu vois, il n'avait pas menti. Lui, il était vraiment comme sur la photo. Voilà. Comme quoi? Ah, ouais. Donc je suis arrivée il me fait la bise et là j'ai senti une odeur un peu bizarre. Ah non. Donc, je me suis dit on était dans la rue donc tu vois tu vas boire un coup et on boit un coup et là je sentais vraiment c'était pas super et là il me dit on va au restaurant. Alors je me dis bon j'ai voulu faire gentil, j'y suis allée. Et au bout d'un moment, quand tu y allais, l'odeur venait avec vous? Hélas, oui. Ah oui, là, c'est... Ah non, mais là, c'est... Je peux pas. Il sentait que... Au bout d'un moment, on était au plat, je lui ai dit, écoute, c'est bizarre, j'ai l'impression que ça sent la transpiration. Tu lui as dit, c'est moyen, ça. Mais j'ai essayé, j'ai dit, tu sens pas dans le restaurant et tout, tu vois, j'ai essayé quand même, c'est sympa. Ah non. Non, je sens pas, mais j'ai un petit problème depuis des années, je le sens plus. Non, je le sens pas. J'ai plus de nez. Tu lui as dit, c'est dur ça de dire aux gens quand ils sentent un peu le. Je n'ai pas vraiment dit à lui, puisque j'ai demandé s'il ne sentait pas dans le restaurant. Elle a détourné l'histoire. Ah, ok. Voilà, j'ai fait. Et il m'a dit, je sors du sport, c'est peut-être moi. Ah, il a pas pris mec, douche-toi avant de sortir en rendez-vous, quoi. Il n'a pas pris la douche. C'est ça, donc je lui ai dit, mais les déodorants. Mais qu'il enchaîne. Il m'a dit, ça va, j'ai fait qu'une heure de sport. Ah oui, ça va. J'ai soulevé de la fonte, attends, bouge pas. Ça va, on tient. On tient. Je me supporte alors. T'as même tes escargots, ils se barrent de ton assiette, tu sais, c'est un mauvais signe, ça. Ah mince, est-ce que tu lui as dit. Ah oui, mais tu lui as dit que ça sentait un peu la transpiration. Ça, c'est très dur. Hein. C'est les odeurs, le toucher de la peau quand vous rencontrez quelqu'un. Et que vous touchez la peau, vous faites, ça va pas. Et la laine, alors moi c'est la laine. Hein. C'est oui, ça. Une jeune fille qui te parle et qui vous. C'est la même chose dans l'autre sens, les filles. Hein. Un gars qui vous parle. Il va te parler très près. Mais si en plus il vous parle très près, que dès qu'il soulève les bras. Oh là là. Le concours. Son et lumière. C'est la totale. Tellement ça sent, même ton Mac Vrap il se courbe. Il veut rentrer dans sa boîte. Crois-moi que. Si tu vois un Mac Vrap qui fait. Ça, c'est pas bon aussi. C'est pas bon du tout. C'est pas bon aussi. Paola, tu es restée en rapport avec ce jeune homme? Tu as regardé? Du coup, il a voulu m'accompagner, je lui ai dit non. Non. Et je lui ai dit que j'habitais à côté. Et en fait, depuis, il m'envoie 3 à 4 SMS par jour quand même. Est-ce que tu lui réponds? J'essaye. Il me demande si je suis là, on dit que non, je travaille et tout, je veux pas trop le vexer. Mais au-delà de l'odeur, est-ce qu'il te plaisait? Ah non, mais l'odeur, c'était fini. Oui, mais c'est vrai. Moi, je propose. Tu as toujours son numéro de téléphone? Il me harcèle, donc oui. Et si, pour les suivantes? Bien sûr. Mais si. Le public, il faut. Non, ne fais pas ça. Non, mais on peut peut-être de façon élégante. Lui, dis pas qu'il pue. Mais non. De façon élégante, ça veut dire jeune homme, elle t'aime beaucoup, mais est-ce qu'après le sport, une petite douche ne s'impose pas? Ça va lui rendre service, excusez-moi, une douche après le sport n'a rien d'honteux. Oui. C'est même un conseil pour les suivantes. Oui. Et pour son MacVrap. Ou alors, fais pas de sport. Regarde, Jeff, lui, il a raté la douche, Jeff, il a raté le sport. Alors. Je ne pue pas. Ne bouge pas, Paola. Le temps de récupérer Guy Claude. Récupère le numéro de. Le Stick Menen, on va l'appeler. Stick Menen. Merci d'être avec nous. On est là tous les soirs, on est là jusqu'à 20h. C'est le Rico Show après. Qu'est-ce qu'on écoute? Jainé. C'est bien, très bien dit. Every time that time you make me speak so. Every time that time you make me speak so. Every time that time you make me speak so. Bite your lips so. Wine pan the rhythm like a lips so. My eyes shine bright like a disco. Your nose I'm a bad before the intro. Wine pan the hood. You never know me where they call pan the boat. Wine pan the table. Wine pan the boat. Before we do it, baby, you better pull. So under the kush, under me Guinness, under me Magnum, under me Hennessy, under me rum. Baby, you a go see the long gun. Where you run go? How you do it, sir? Every time that time you make me speak, sir. Every time that time you make me speak, sir. Every time that time you make me speak, sir. Bite your lips, sir. Wine pon the rhythm like a lips, sir. My eyes shine bright like a disco. Your nose on my bad before the intro. My girl, you so sexy. Coca-Cola shape, no Appa Pepsi. Don't pa take it too long off of my dead pitetsi. Don't they flat colored from my dick is your next seat. Hey Nancy, better get pregnancy. Root King, they call emergency. None of them can test me. We are do it everywhere, them can't stop me. How you do it, sir? Wine pan the rhythm like a lip, sir. My eyes shine bright like a disco. Your nose on my bad before the intro. She know how to do it, my dan. On the bed, on the street, my dan. Never know I saw the thing tight for real, my dan. Better live for up on the the big dive on, but I yo. Who run the place right now? Right now. Who I represent straight for every island? Every island. You all of the man, them want get the mansion, my baby. Where you get it from? How you do it, sir? Wine pon the rhythm like a lipsa. My eyes shine bright like a disco. Your nose on my bad before the intro. How you do it, sir? How you do it, sir? Nous saurons le prénom de la jeune fille qui va aller au concert très privé d'Ariana Grande à Londres. C'est un magnifique cadeau énergie. Nous aurons la finale tout à l'heure. Et je vous rappelle que si d'un moment à l'autre vous entendez la playlist Suprême Énergie avec Jane, Divaphone, avec Alvaro Soler, Edith de Preto et David Guetta, 39-37. Et vous pouvez gagner jusqu'à 50 000 euros cash pour la personne qui sera sélectionnée dès que vous l'entendez. Je suis épaté. Comment tu as fait pour lire? J'ai une très bonne vue. Non mais je pensais pas que t'allais lire feuille de si loin. Parce que en fait, qu'il a lu la feuille de loin. Vous me prenez pourquoi? Vous écoutez. Mais t'arrives pas à lire l'écran, Coco, c'est la même taille de lettre. Pardon. J'arrive pas à lire l'écran. Hier, tu disais ça comme ça. Avec des yeux plissés. Mais ça se dit pas, ça c'était hors antenne. Mes amis, je vois très très bien. Elle m'a montré un truc écrit en tout petit. J'ai vu toute la liste. D'accord. Non mais je suis épaté. Bah voilà, voilà Marion. C'est pas, c'est pas toi. Qui êtes-vous? Excusez-moi. Je voudrais remercier Joy Jonathan. Oui. Et j'ai envie de dire heureusement que Joy Jonathan est là. Pourquoi? Qui m'envoie une copie de mon Twitter avec un message écrit par un sinistre individu, je ne dirai pas son nom, qui travaille, qui gère tous les réseaux sociaux dans cette émission. Oh, du jeu, ça commence par B, ça finit par Hordas. qui a écrit: allez, mettez en tête le hashtag je rate mon date quand. Parce que moi, je rate mon date quand je me rends compte à l'addiction que j'ai oublié ma CB. Non mais à l'addiction. Ah mais c'est quoi l'excuse? Attends, c'est quoi l'excuse? Jonathan me dit, t'es sûr que c'est l'addiction? Ah, c'est elle qui te l'a dit. Gentiment en plus. Elle pense que c'est toi qui l'a écrit surtout. Il y a une erreur sur Allez, c'est au travail. Ouais. Allez, au travail. On n'en parle plus. Le public, il y a quelques minutes, lorsque j'ai dit que nous allions appeler le copain de Paola, qui avait fait un rendez-vous Tinder, qui n'est pas son copain, qui était le garçon qui l'avait matché, qui était venu après une séance de sport sans avoir pris sa douche. Oh. Alors ça, tu peux être le plus beau gosse du monde. Si t'as soulevé de la fonte et que tu prends pas la douche derrière, Tu vas sentir. C'est pas possible. Au minimum, un déo, en vrai. Tu sors à la limite, tu te mets un coup de déo. Bah, ah non, tu te laves surtout. Non, mais d'accord, mais si vraiment t'es en retard, tu te mets un coup de déo. Une douche pour un mec. C'est bien. Oui, non, mais ton cas ne fait pas une généralité. Voilà. Je vais simplifier les choses. Il faut se laver. Voilà. Oui. Donc, une douche pour un garçon, c'est 20 secondes. Même si t'as vraiment pas le temps, tu passes sous la douche et tu t'habilles derrière. Ouais, c'est rapide. Et là, quand j'ai dit on va l'appeler, dans le public, ils ont fait Oh non. Vous avez peur que l'odeur passe par le téléphone, hein? Non mais Paola, on est d'accord, c'est important de lui dire pour le prochain rendez-vous, vaut mieux une petite douche. Paola, excuse-moi, il faut vraiment lui dire parce que c'est pas possible. Ben voilà, comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Jérôme. Allons-y, je te laisse parler. Ouais, enfoiré, c'était ton idée en plus à la base. Débrouille-toi. Non, moi faut que j'aille garer ma voiture. Je suis mal garé. Dis-lui, je suis devant les poubelles. Et c'est très gênant. Allô? Ouais. Oui, Jérôme, je te passe Paola. Hein? Allô? Ouais, allô. Oui, attends, je te passe mon meilleur copain. Allô? C'est que cette histoire encore. Ouais, allô? Oui, bonjour. Ouais. Bonjour. C'est Jérôme? Pas le chanteur. Ouais. Hein, bien. Ouais, petit. Jérôme, est-ce que c'est toi? Parce que je suis avec Paola, tu sais, c'est la demoiselle avec qui tu as eu un rendez-vous. Ouais. Voilà. Et donc elle me parlait de toi. Bah ouais. Le feeling est passé. Hein. Le feeling est bien passé. Bah, je suis content. Le feeling est passé aussi pour moi. Ah voilà, parce que elle nous disait hors antenne. Enfin, elle nous disait. Elle nous disait, oh bon, allez, je vais lâcher l'histoire. Moi, c'est Coé. Voilà, on est sur énergie. J'arrive pas à mentir. C'est Moi, c'est Coé. Non, pas du tout. Enchanté. Ça va bien ? Coé. Oui. Mais je suis quand même. C'est à la télé, là ? Non, non, la radio. Il y avait rien chez moi ? Même chose, mais t'as pas besoin de t'habiller. Alors donc, on a Paola qui est vraiment en ligne. Paola, fais un bisou à Jérôme. Enfin, salut Jérôme. Voilà. Salut Paola. Et donc, Paola nous disait que tu correspondait parfaitement à ses critères physiques et c'est pour ça qu'elle t'avait matché. Voilà, elle était sous le charme. On est bien d'accord parce qu'elle aussi. Toi aussi tu la trouves jolie, sexy. Ah bah ouais. Est-ce qu'il y aurait un point négatif chez elle? Oui, c'est important ça. Elle répond pas à mes SMS en ce moment. C'est vrai, Paola, tu ne réponds pas. Elle nous l'a dit d'ailleurs. Elle nous a dit j'ai beaucoup de boulot en ce moment, je ne peux pas répondre à ses SMS. C'est la rentrée. Hein, Paola? Oui, bah c'est ça, j'ai pas trop de temps, mais c'est pour... Voilà. Oui, alors que ça sent qu'elle a envie de faire connaissance avec lui. Ah oui, c'est vrai. Je comprends pas. Là. Moi, j'ai senti le feeling. Ah oui. Ouais. Ça sent bon, cette histoire, je trouve. Histoire d'odorama. Bon. Tu sais, dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas. Prends un peu d'auteur sur l'histoire. Non. En fait, Jérôme. Bon, on va crever l'abcès. On va crever l'abcès. Voilà. Elle ne répond pas pour une raison. Voilà. Ouais. Elle appelle tant, elle est tout à l'heure. Oui, bon, elle appelle pas, elle répond pas. Elle t'a trouvé génial, hein, Paola? Oui. Ouais. Mais elle a trouvé. Mais elle a trouvé que pas prendre de douche après le sport, c'est limite. Bon, voilà. C'est bon. Elle l'a déjà dit. Oui, mais il paraît qu'il y a eu deux morts quand même, hein. Donc. Ils ont fermé le restaurant après. Ils ont fermé la rue, hein. Oui, alors ça c'est très bien que tu fasses du sport. Mais ce qu'on se disait, une petite douchette, quoi. Ah oui, surtout avant rendez-vous. Un petit stick-up d'air week là. Non, ça c'est pour les chiottes. Oui, c'est les un petit canard baissé. C'est pour ça que je vais m'inviter de nouveau. Ne pas rester sur cette mauvaise note. Deuxième chance. Paola, il veut t'inviter à nouveau. Ah oui. Oui, bah avec du déodorant. Non mais là il aura compris. Là à mon avis il fera plus l'erreur du sport. Bien sûr. Compris, hein. Et oui. Paola. Non mais l'idée c'est sortir du sport. C'est bon, on va pas non plus. Il en est conscient. Voilà. Ouais, c'est bien. Ouais, mais quand même le papier peint s'est décollé. C'est rare. Hein. C'est rare. Hein, quand... Non mais Paola. Non, pas du tout. Non. Paola, c'est de régler l'histoire. Est-ce que tu lui donnes une deuxième chance? Ouais. Bah oui. Ah. Voilà. Oui, non, sinon, il a qu'à l'inviter dans un restaurant savoyard. Avec l'odeur. Ah ouais. Oui, il a raison. Bonne parade. Non, mais moi, je le défends. Il est sorti une fois du sport. Il a fait l'erreur. Une fois. Une fois, ça veut pas dire qu'il prend jamais de douche. Il faut savoir pardonner. Il l'a fait l'erreur une fois. Évidemment, je prends les douches. Voilà. Voilà. Ouais, c'est demain. Donc, Paola, tu dis oui? Oui, oui. Ah, bah voilà. Eh bien, lui, il dit non. Il a été vexé. Eh ben voilà, ça finit bien. Bravo. Voilà. Bravo. Voilà. Bisous. Très bien, je te fais un gros bisou, je t'embrasse. À bientôt, Paola. Bisous. Gros bisous, ma belle. À bientôt. Je vais quand même prévenir le restaurant. Ils reviennent. Hein, je vais pas dire le resto. Qu'est-ce qu'on écoute? On écoute Tiesto. J'adore ce nouveau titre avec Jackie Chan. J'adore ça. Dans quelques minutes, une jeune fille va gagner la possibilité. C'est pas la possibilité. Va gagner son voyage, tout frais payé pour Ariana Grande. Drop top, how we rollin', no, don't call it South Beach, yeah. Look like Kelly Rowland, this might be my destiny, yeah. She want me to eat it, I guess then it's on me. I got you, know I got the sauce like a fucking recipe. She just wanna do it for the grand, you know. She just want this money in my hand, I know you. I'ma give it to her when she dance, dance, dance, ay. She gon' catch a Uber out the Calabasas. She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, now that's a plan. I just ordered sushi from Japan. Now yo bitch wanna kick it, Jackie Chan. She said she too young, don't want no man. So she gon' call her friends, now that's a plan. Jackie Chan.

dévorer tous les hommes. Et d'après la rumeur, tu ne souris jamais. Tu prendras tout de moi, tu me laisseras seul enchaîner. Est-ce que j'ai tort? Non, je savais. J'avance vers toi, les courbes de ton corps m'assomment. Tu diras, j'ai récolté tout ce que j'ai semé. Attends deux minutes, j'ai déjà vécu la scène. Oh, oh. Un jour tu me dis des mots doux, tu me fais savoir qu'on est intime. Un jour tu me laisses dans le doute et tu fais de moi ton ennemi. Je ne sais plus à quoi m'attendre, dis-moi ce que je n'ai pas compris. Accorde-moi de ton temps, je ne t'ai demandé qu'une nuit. Corazón, dis-moi pourquoi tu fuis, pour toi qu'est-ce que je suis. Mi corazón, dis-moi combien tu m'aimes. Ce que tu m'as dit, je l'ai en mélodie. Tu es rentré dans ma tête ce jour-là comme une maladie. Et ce que tu m'as dit, je l'ai en mélodie. Corazón, dis-moi pourquoi tu fuis, pour toi qu'est-ce que je suis. Mi corazón, dis-moi combien tu m'aimes, dis-moi ce que j'ai fait. Mi corazón, dis-moi où est-ce que tu vas. Non, non, ne t'en vas pas. Mi corazón, corazón, corazón. Un ancien. Il a vécu toutes les guerres. Enfin, les guerres de Booba. Booba Lafouine, Booba Gims, Booba Caris. Je sais pas si on les étudie, celles-là, à l'école. 17h-20h. C'est Coé sur Énergie. Dans quelques minutes, nous allons donner du bonheur et une auditrice va partir voir Ariana Grande en concert très privé. À London. À Londres, tout frais payé, elle va partir avec qui elle veut, c'est pour deux personnes, il y a le transport, il y a l'hébergement et il y a Ariana Grande. Les deux sélectionnées s'appellent Chloé, elle habite le Havre. Comment ça va Chloé? Ça va. Oula, ça, elle est stressée. Ouais. Ah, oui. Concentration. Ça va? Ça va. Détends-toi. T'es fan? Bah oui. Ah, ton avis. Il manque un crétin. Évidemment crétin puisque je joue. Pourquoi j'appelle? Il est con. Hein. Ah là là. Ah, il est drôle pas, hein, mais. Il est pas fin. Il rigole des fois mais il est pas fin. À côté de toi, Inès d'Aix-en-Provence. Ça va Inès? Salut Coé, salut toute l'équipe. Ça va bonjour, ma chérie? Inès. Salut. Plus dynamique déjà, plus joie de vivre. Ouais. Plus joie de vivre. Chloé? Oui. Chloé, elle est dans le stress. Écoutez-moi bien. Je prendrai les réponses les plus rapides. Voici la règle du jeu. D'accord? Oui. Oui. Vous êtes là les deux? Ouais, d'accord. Oui, oui. Donc ça veut dire que vous répondez les deux en même temps. Et moi, okay. je regarde les écrans et je demanderai à Guy Claude du Standard de regarder les écrans et voir qui module. Laquelle l'a dit en premier, quelle. Ouais, d'accord, c'est comme ça qu'on le voit. Merci Guy Claude. De rien, je vous en prie. Ça fait trois fois que tu essaies de parler dans le micro, trois fois qu'il n'est pas branché. Hein. Bah écoute, j'en ai mec, à chaque dire. Fois, il se rapproche et il dit. Merci beaucoup. Mon micro n'est jamais allumé. Donc. Voici la question, les filles. Je voudrais une musique suspense concentration. C'est bien ça. Vous êtes toujours là? Suspense concentration. Oui. On a du réseau, on a de la batterie. Ouais. C'est parti. Chef. Dans quelle ville est née Ariana? Boca Raton. Alors c'est Inès. Oh. Inès a dit Boca Raton. En premier? En premier. Et j'ai dit aussi. Oui, mais après. Mais c'est le principe de. Ah oui, non, mais Oui. Ah oui. Inès, Chloé, je mets un point à Inès. Très bien, les jeux de 20h. On est branché sur le reste, mais alors ça, vous me l'avez sorti de je sais pas où celui-là. Attention, test de rapidité. Quel est le titre de cette chanson? Oh là là, Inès, comme elle a tout déchiré. Bravo, très bien. Un point pour Inès. Bravo. Ça fait deux points pour Inès. Chloé? Oui. Ça va toujours? Oui, oui. Tu reconnaissais pas la chanson? Non, j'entendais mal. Ah oui, ouais, bien sûr. Dans quel film pourri a-t-elle joué en 2016? Si vous êtes fan, vous devez savoir dans quel film elle a joué. Bah justement. Si elles sont fans. Il est pas pourri le film. Ah, si, il l'est. Hein, il l'est. Enfin, il est pas. C'est. Zoolander. Chloé. Chloé, belle okay. remontée de Chloé. Zoolander 2. Il est pas drôle le 2 ? Non. Ah ouais ? Non, non, non, non. Il est pas... non, il a pas marché. Attention ! On continue ? Ce que vous allez entendre, c'est Ariana Grande. Elle fait une imitation sur un plateau télé aux États-Unis. Elle imite qui ? Britney Spears. Inès a dit Britney Spears. Un point à Inès. Oh ! Elle le fait bien, hein. Ah ouais, elle l'a fait très bien. Elle le fait mieux que l'original. Bah, c'est surtout que l'original, elle est plus capable de le faire. Oui. Moi, j'ai vu une vidéo hier de gens qui m'ont envoyé, qui étaient au concert d'Ariana, de Britney Spears. Britney Spears, une majorette. Oui, c'est ça, ouais. Oui. Et les, voilà, les premières années majorette. Sans que les mouvements. La chorégraphie est linéaire. Attention, question. Question rapidité. Vous êtes prêtes, les filles ? Oui. Si la lettre A vaut 7 points. Oui. Si la lettre A vaut 7 points. Combien il y a de points dans le nom Ariana Grande ? 28. Chloé ? Chloé. Oui. Oh mais c'est quoi ? C'est quoi cette rapidité ? Mais c'est quoi cette calculatrice ? C'est quoi ? 28, absolument, les chiffres sont mon truc. Faites tomber une boîte d'allumettes, il y en a 2500. Allez hop, une boîte d'allumettes. Chloé, je te mets un point, je t'applaudis parce que c'est effectivement 28. Tu as la bonne réponse ? Oui, oui, oui. Mais oui. Comment t'as fait ? 7 et 7, 14. 4 fois 7, 28. Voilà, 28. Non, mais rien que pour compter le nombre de. Ah, la rapidité. 28, merci, bonsoir, à bientôt, je prends les billets, je m'en vais. Eh bien, pourtant, non. Puisque c'était la dernière question. C'est 21. Ah non. Non, non, non, par contre, Inès, c'est vraiment 28, Inès, hein, on n'en reparle pas. Oui, dans Grande D aussi. Je ne sais pas compter. 2 points pour Chloé. 3 points pour Inès. Inès ? Oui ? Tu pars au concert d'Ariana Grande ! Oh ma chérie, tu vas aller au concert très privé d'Ariana Grande. T'es contente ? Oui, merci beaucoup. Je te fais un gros bisou. Tu nous raconteras un peu comment ça se passe. Tu feras plein de photos. Oui, pas de problème. Je vous enverrai des photos. Merci beaucoup pour tout. Merci à toute l'équipe. Merci à toi, Chloé. Voilà, et puis tu peux dire à Chloé qui est de l'autre côté que bah toi tu vas y aller, pas elle. Enfin, je sais pas. Voilà, je sais pas, un petit message entre fans. Mais bravo, Chloé. Franchement, bien joué. Super, t'as bien joué, t'y vas pas. Voilà, Chloé. Je dis pas. Bravo, Inès. Bravo. Je t'embrasse ma belle. Chloé, ça va, tu fais pas trop la tête ? Non, ça va. Mais si tu fais la tête. Mais si tu fais la tête, je suis désolé. Mais l'important c'est de Participer. Eh oui. Et si l'important c'était de gagner, Chloé ? Oui. Oui. Et si je te disais que t'as peut-être perdu, mais que je t'ai retrouvé 2 places en plus pour aller au concert d'Ariana Grande, même si t'as perdu ? Non, tu ferais pas. C'est vrai ? Eh ben non. C'était une simulation. Si je te le dis que c'est possible, tu me crois ou pas ? Oui. Eh ben t'as tort. Ne jamais me croire. Chloé, j'ai trouvé 2 places de plus. Tu y regagnes et tu vas aussi aller avec Inès. Ouais, merci. Ah, ça c'est beau. Je te fais un gros bisou, ma petite. T'embrasse. Merci. À bientôt, Chloé. Je vous embrasse, les filles. Vous serez ensemble. Vous nous ferez des photos. Je vais voir des photos sur Insta et tout, d'accord ? Ça marche, pas de problème. Bisous, les filles. À bientôt. Bisous. Portez-vous bien, passez une bonne soirée. Demain, c'est vendredi, la dernière de la semaine. Pas mal de surprises. Je vais vous laisser avec Rico et toute son équipe. Passez une belle soirée, tout le monde, le public. Vous avez été très bien. Bravo, bravo. Bravo. Rico, très bien. Bisous. J'ai une révélation sur les gens de l'équipe. Bon, je vais terminer parce que c'était le dossier réseau de rencontre. J'avais dit que les gens de l'équipe allaient terminer. On allait terminer sur une révélation. Tu vas parler de quoi exactement ? Ça n'est pas toi, Jeff, n'aie pas peur. Ça n'est pas toi, Miko. Bon, ça va. C'est sûr que c'est pas moi. Oui, une fois, je suis allé au cinéma. C'est pas toi. Stouf, c'est pas toi. C'est pas moi, je suis pas fou non plus. Non. Je vous présente notre stagiaire, pas stagiaire, il vient de bosser chez nous, on l'a signé, Pierre, un petit barbu qui vient, que vous verrez souvent chez nous. Bonjour Pierre. Pierre. Bonjour Pierre. L'info, allez, la suivante, combien a-t-il de matchs ? 1073. Non, match, tu déconnes. Sans compter ceux à qui il parle. Tu es notre record du monde. Tout seul devant la télé. Mon Rico, je te fais un bisou, je te souhaite une belle soirée. Bisous, t'es là, t'es, t'es là où, tu m'entends? Ouais, je t'entends. Rico. Impeccable, ça va? Tu m'entends? Visiblement non. Vous avez appuyé sur le bon bouton? Ouais, on a appuyé. Tu m'entends? Allô? Allô, ouais, tu te fous de ma gueule. Voilà, t'es là. Non, je te jure que non. Bichette. Michel, je te laisse prendre les 6 étages, tu vas les faire en courant, tu vas t'excuser de ne pas avoir levé le bon bouton. Mais j'avais levé le bon bouton. Il n'y a pas de jamais. Mais on m'a dit de préparer. Il parle depuis tout à l'heure, on ne l'entend pas. Depuis tout à l'heure. Tais-toi. Allez, mon Rico, ça va? Qu'est-ce qu'il y a de prévu ce soir? Écoute, en pleine forme, les castings du VTC. Tu sais, on cherche notre prochain chauffeur VTC, le gars qui va pouvoir allumer la radio pour qu'on puisse annoncer qu'il est recherché dans toute la France et faire flipper son client. Le Est-ce casting... que tu veux le faire un jour, Koé? Tiens, je te le propose. Hey. Oh, avec grand plaisir. Ah, bah ça me ferait plaisir. Avec plaisir. Je suis dispo, moi. C'est payé ou c'est défrayé? Je t'expliquerai. Allez, te casse pas, on a compris. Bonne soirée, mon Rico. Bisous tout le monde. On revient demain. Sur Énergie, le Rico Show. Sur Énergie. Salut à tous, je m'appelle Aymeric Bonnery, mon surnom c'est Rico, et vous venez d'atterrir dans le Rico Show. Jusqu'à 23h, le Rico Show. Le Rico Show. Sur Énergie. Yes! Super content de vous retrouver. Il y a plein de choses à se dire aujourd'hui. Ouais. C'est vrai qu'on fait le bilan. On est le 30 août. Oh oui. Et il y a pas mal de choses qu'on aurait dû faire cet été. Quelques petits regrets. On aurait dû pécho. On aurait dû s'amuser un peu plus. Ouais. On aurait dû dépenser moins d'argent. Ouais. Tiens, cet été, j'aurais dû. Hashtag Ricochot sur Énergie 0800 70 42 48. Venez nous dire vos petits regrets. Il y aura les news du jour. Et puis, on cherche notre nouveau chauffeur VTC. Je l'ai dit à Koé. Si vous sentez l'âme d'un chauffeur VTC, eh bien, vous débarquez parce qu'aujourd'hui, il est de retour. Imaginez la scène. Vous êtes client d'un VTC. Et là, flash info à la radio. Vous apprenez que votre chauffeur est un criminel qui cherche à vous kidnapper. Ça fait flipper, non? C'est le VTC de la peur. Et c'est maintenant sur Énergie. Ouais, c'est même aujourd'hui. Dans une heure, je vous présente le nouveau chauffeur VTC. Ouais. Et puis, il sera parti pour une nouvelle course. Ça va, Sarah? Bonsoir à tous. Bonsoir, Rico. Tu m'as donné l'envie de faire un spécial C'est mon wash. Pourquoi alors? Wash? Ouais. Je comprends pas trop. Alors c'est un peu comme c'est mon choix mais à l'envers. Hein, c'est même ça. Eh ben parce qu'en fait t'as des choix de vie assez chelous. Ne pas s'épiler en plein mois d'août et mettre un débardeur. Mais alors faut laisser pousser un mois, l'esthéticienne elle a dit. C'est vrai. Mais oui. Ce sont des menteurs. Parce que c'est le mois où ils sont en vacances. Ils veulent s'assurer que tu reviennes bien poilu pour t'épiler et ça c'est pas beau ma c'est ça. Cruel, c'est et cruel. Du coup on aura pas mal de personnes qui ont fait des wash, des choix de vie complètement chelous. Ça va mon Sylvain? Eh ben écoute en pleine forme. Ouais je te sens bien. Ah ouais, je suis le 30 août, forcément, ouais. Bientôt la paye. Ouais. Hein, Rico? Ah oui, c'est fort. Donc voilà, je suis en train. C'est que demain, c'est le 31. Ouais, bah oui, c'est pour Attends encore un peu de temps. Ça va, mon GM? Ça va au top, Rico. Aujourd'hui, j'ai révisé pour le cahier de vacances. J'en ai marre de passer pour un blaireau, j'ai révisé. Bon, c'est vrai que le petit de la baleine est le dauphin. Mais non, c'est le baleineau. Évidemment, on va se régaler. Il y a du canular du jour qui arrive dans 10 minutes. Et puis, on est avec Jade qui a fait le 0800 70 42 48. Et il y a pas mal de dos qu'elle aurait voulu faire cet été mais qu'elle n'a pas pu faire. Elle a ça encore sur la conscience. Ça va ma Jadounette? Oui, ça va et vous toute l'équipe? Ça va, en pleine forme. Il fait encore beau à Saint-Raphaël, ça va? Ah ouais, bah j'étais à la mer cet après-midi. Oh là là, oh, putain, purée, moi j'étais à la municipale, j'ai vu deux pansements à caca. Je vais te dire que... Non, elle va vous dire, elle en a gros sur le cœur. Ma petite Jade, tu bouges pas, on s'écoute demain de Big Flo et Oli. Et après on parle des choses qu'on aurait dû. Mais alors on aurait dû cet été. Oh là, moi j'aurais pas dû. Ah ça c'est sûr. Contacter mon ex à 3h du matin, on en parle. Big Flo et Oli, tu connais non? Petit biscuit. Tout le monde me dit, tu sais, pour ton avenir on a peur. On voudrait que tu sois un médecin, toi, tu veux être un rappeur. Ma meuf m'a dit, tu m'aimes pas assez, on dirait que tu t'es lassé. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as plus le même regard quand t'as fini de m'embrasser. Je m'endors avec mes coudes, blues, plus personne ne croit au coup de foudre. La voisine est venue me voir pour me dire qu'elle en avait marre de mes... Engueulade avec ma mère, à chaque fois c'est pareil quand je m'énerve. Je tape dans la porte et je casse mes affaires, puis je m'endors et quand je me réveille je regrette. Tout le monde me parle, tout le monde croit savoir ce que je dois faire de ma vie, ce qu'il y a dans ma tête. Mais j'écoute que moi et je me répète que c'est pas grave. Ce soir tu danses, la nuit porte conseil. Faut pas que t'y penses, ne pense plus à rien, rien. Demain.